200e. C'est bête, mais à la 100e, on n'aurait pas imaginé encore 100 épisodes et surtout, on n'aurait pas cru que l'équipe se serait autant agrandie. Mine de rien, depuis la 100e, c'est 28 personnes qui ont contribué directement à ce podcast. 42 dossiers de membres, 23 dossiers d'invités, 15 interviews, 10 freestyles et 5 soirées radio dessinées. Autant dire que la communauté n'a jamais été aussi présente. Ce soir, depuis le dernier bar avant la fin du monde, on retrace ces 100 épisodes depuis le 22 septembre 2012, il y a 2 ans et plus de 4 ans après la création de ce podcast. Servir la science fut notre joie et pourvu que ça dure. Bon ben bonsoir tout le monde. On a des applaudissements, tout ça ou pas alors? Bon, ben donc 100 émissions, ça permet de raconter pas mal, beaucoup de choses, de rencontrer beaucoup de monde. Du coup, dans cette émission spéciale, on va essayer de retracer tout ce qui s'est passé depuis la 100e, en compagnie de beaucoup de personnes qui ont fait vivre cette émission, d'auditeurs, de vous là, et on peut le dire sans mentir, du monde entier, parce qu'a priori, donc ce soir, on a au moins la Belgique, la France, la Suisse, les États-Unis, et c'est à peu près tout sur place. Donc c'est plutôt cool. Et une fois n'est pas coutume, vous allez beaucoup entendre Alan et moi ce soir. Pour une fois, on va se la jouer vieux vétérans, vieux de podcast science qui ont beaucoup vécu et beaucoup à raconter sur ces 100 émissions. Mais rassurez-vous, au fil du déroulé de tous les nouveaux, au fil du déroulé de l'émission, tous les nouveaux arriveront pour finalement piquer la place à des vieux dictateurs gâteux. Et du coup, comme ça a duré assez longtemps, on va commencer tout de suite avec l'émission 101. Ok, après la 100e, j'ai eu l'honneur d'ouvrir les feux de la 3e saison avec l'épisode 101, qui était un petit peu thérapeutique pour moi. C'est un épisode sur l'introversion, ou du moins sur ce qu'on peut en raconter d'un point de vue scientifique. Énormément de retours positifs sur cet épisode que j'avais eu un immense plaisir à préparer. Et puis Robin nous a présenté son premier dossier pour l'épisode 102, sur les nombres premiers. Une petite bombe, je ne peux pas vous dire que je m'en souvienne dans les détails, mais c'était un peu comme un massage pour le cerveau, comme tous les dossiers de Robin. Et le quiz de la semaine portait sur la mémoire des poissons rouges, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, qui, contrairement à ce qu'on raconte, est bien meilleur que la mienne. Le numéro 103 était assuré par un David Xil très inspiré, qui nous a parlé des sciences soviétiques, avec l'histoire incroyable de Lysenko, qui aurait préféré qu'il y ait moins de concurrence dans la sélection naturelle, histoire que la nature se conforme à la ligne du parti. Et c'est notre ami Nico qui nous a fait un double épisode magique pour les épisodes 104 et 105 pour parler du zéro, qui n'a pas toujours existé en mathématiques, et faire un pont, comme lui seul le faire, avec l'infini, rien que ça. Donc, comme c'était le 102 était l'épisode inaugural de Robin, je propose qu'on introduise Robin en 2 mots. Ouais. Alors Robin, pour vous, il est un peu nouveau dans le podcast. En tout cas, il est apparu autour de la 100e émission, c'est ce que vient de dire Alan. Et moi, je le connais depuis un peu plus longtemps. Alors, je suis assez mauvais pour ce genre d'exercice et je me souviens plus du tout de ma première rencontre avec Robin. Par contre, ce qui est à peu près sûr, c'est que ça devait être au Palais de la Découverte où il travaille depuis des années. Et dans le département de maths du palais, il y a beaucoup de spécimens de ce qu'Alan appelle les matheux. C'est-à-dire qu'une fois à l'autre, on pouvait croiser un Robin ou un de ses collègues qui avait un exposé devant le public dans une dizaine de minutes et qui n'avait pas encore complètement décidé de quoi il allait parler. Ou encore, vous le croisez un matin et il vous dit « J'ai découvert un truc génial, regarde !» en montrant un dessin de nœud avec sur les pages d'un cahier rempli de dessins de nœuds. Bref, Robin, c'est une mine d'or pour apprendre plein de trucs. Alors, cela ne vous dit pas toujours que ça sert, mais on se sent mieux avec. Je ne sais plus trop comment je pourrais vivre sans connaître le théorème du sandwich au jambon, sans voir qu'on est bien ici. Voilà, donc du coup, on a appris à se connaître, entre autres grâce à une pièce de théâtre où il m'accepta comme comédien et où il était metteur en scène. Alors oui, hein, Robin, metteur en scène. Bon, rassurez-vous, la demande d'emploi de Michel Vinavert, c'est une pièce écrite dans le désordre. Donc ça facilite les choses pour, pour mettre en scène. Et Robin, malgré sa carrière aussi anarchique que prestigieuse, Palais de la Découverte, Sciences et Vie Junior, Prix d'Alembert, avait un rêve, faire de la radio. Alors en apprenant l'existence du podcast, il me tanne pour venir faire un épisode avec nous. Un seul petit épisode sur les nombres premiers qui suffit à le recruter. Quand Robin parle de maths, c'est ce que disait Alan, on se sent bien, on se balade d'anecdote en anecdote sans même se demander où l'on va. Et le pire, c'est que même quand il ne prépare pas, il est très bon. Et du coup, là, à l'occasion de cette 200e, on a le plaisir de lui remettre enfin le cadeau d'un auditeur, un magnifique Minitel encore fonctionnel, de quoi initier Boson aux joies du numérique. Elle est déjà pleine de bon sens, Sophie. Voilà. Je Je donnerai le nom de l'auditeur. Ouais, je l'ai pas noté, mais on n'a pas vérifié s'il était encore fonctionnel, mais j'y crois fort. Et puis, on cherche toujours quelqu'un pour le modifier de manière à pouvoir tweeter avec. Il faudrait trouver une prise téléphone pour le brancher. Voilà. Robin, je crois que tu avais ton point de vue de ton côté, de ton arrivée à Podcast Science. T'es pas allumé. Non, mais voilà, si tu m'allumes pas mon micro, je peux pas y penser tout seul non plus. Ouais, tu vois, je suis tombé sur un podcast, c'était sympa, ambiance, je parle de science, mais en mode décontracté, ça s'appelle Podcast Science. Il y a un mec à Madrid, l'autre en Suisse, c'est un peu un truc de geek, mais ça va, c'est bon esprit. Mais il racontait des conneries en maths, alors j'ai fait un commentaire genre « Ouais, les mecs, c'est cool ce que vous faites, mais en maths, c'est un peu n'importe quoi. Hein. » Tout de suite, ils répondent « Ah ouais ? Et toi, tu sais parler de maths ? Ben viens. Ah, t'as vu ? Eh, genre, les mecs, leur réflexe c'est « Ah ouais, tu sais, c'est pas bien ce qu'on fait ? Ok, bah viens faire mieux alors. Eh, franchement, panache. » Voilà. J'espère que vous avez reconnu, c'est la première fois que j'ai entendu parler de Podcast Science. Un podcast pour moi c'était quelque chose d'assez abstrait, enfin en fait pour moi un podcast c'était quelque chose qu'on pouvait télécharger, une émission de radio qu'on pouvait télécharger, moi j'appelais ça télécharger parce que podcast je trouve ça plus dur à dire. Du coup quand il m'a parlé de podcast je me suis dit c'est ce truc, bon ça doit avoir un truc avec internet parce qu'il est souvent sur internet, podcast bon bah je sais pas, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est, j'ai quand même fini par lui poser des questions, un mot appris, podcast. L'émission, du coup, il nous a incité à écouter la première émission qu'il a faite, un épisode sur l'infini. J'ai écouté, et donc je me suis logué sur la chatroom, et j'ai laissé des commentaires pendant l'émission, juste histoire de le mettre mal à l'aise et de me foutre un petit peu de sa gueule. Après l'émission, j'ai re-regardé les mails, et où je lui dis « Bon, t'as vu, j'ai pas pu m'en empêcher, je t'ai un petit peu emmerdé, j'ai pinaillé, tout ça ». Et je laisse en fin de mail, on en rediscute si tu veux. En tout cas, ça me plaît bien comme format. Un ongle dans l'engrenage. Deuxième étape. Nico organise une sortie au Palais de la Découverte pour les auditeurs et membres du podcast. Et puis tiens, en tant qu'affaire, il organise une émission sur le Palais de la Découverte pour laquelle il m'invite, entre autres personnes. Ça va, rien à préparer, tout va bien, on va discuter tranquille et tout. J'arrive à l'émission, je rencontre Franck, David, Alan. La classe quand même, rencontrer l'équipe avant de l'intégrer. Grand privilège. À cette occasion, imprudemment, je propose de présenter un sujet. Ouais, le théorème de Gödel, ça va, c'est simple, tranquille. Je l'ai déjà fait, et puis j'ai déjà un truc écrit dessus, donc ça va pas me demander de boulot, tout baigne. Pendant l'émission, il faut reconnaître que j'ai quand même beaucoup transpiré. Il y a plusieurs choses qui sont insupportables. C'est par exemple ne pas voir les gens à qui on parle et se demander s'ils comprennent. J'arrêtais pas de dire vous dites si vous comprenez pas. Hein. Vous dites, vous êtes sûr, vous comprenez ? Non, mais vous m'interrompez pas là, c'est bon. J'ai encore ma connexion. Parce qu'en plus, j'avais une connexion pourrie. Donc c'était une émission assez particulière. Et en plus, dès que je faisais un mouvement de main, je me disais mais t'es con, ils te voient pas. Arrête de faire des mouvements de main. Alors attends, hop. Oui, alors j'ai oublié de dire, effectivement, j'ai pas appris de mots à l'occasion de l'émission sur le Palais de la Découverte, mais en revanche, j'ai été très impressionné par tout le bordel technique qu'on voit encore ici, et que j'ai pas la moindre idée de comment ça fonctionne. Bien, là, on peut parler d'un doigt dans l'engrenage après avoir présenté un dossier. Septembre. J'ai dit oui pour présenter un dossier tous les 3-4 mois. Je reçois plein de mails auxquels je comprends rien, parce que j'ai été inscrit sur la liste de Podcast Science. Flux redémarré, un nouvel abonné, tweet. Bon, on va quand même supprimer tout ça. A priori, il gère mieux que moi. Après tout, j'ai pas été recruté pour ça. Alan me bombarde de mails pour me mettre au courant de tout. Dernier message et j'arrête de te spammer, promis. Ouais, on y croit. Ensuite, septembre. Donc oui, je commence par les nombres premiers. Enfin ça, l'équipe l'apprend en même temps, enfin quand j'envoie le teaser, 2 jours avant, et 2 jours avant que moi-même je sache, enfin 2 jours après que moi-même je sache sur quel sujet j'allais faire le dossier. Oui, enfin on fait connaissance quoi. D'ailleurs après l'émission, Alan me fait suivre un tweet, un commentaire sur le site, un commentaire sur Facebook, et me demande si je suis sur Facebook. Oui, c'est mignon, on fait connaissance. Novembre 2012. On me demande si je peux être là pour une émission, ça rendrait service. Ce petit message pour te demander si par miracle tu serais disponible pour participer à l'émission du 25 novembre en tant que pédagogue 1.0. Je sens qu'il y a un foutage de gueule, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais en même temps ils ont l'air d'avoir envie que je sois là, c'est plutôt sympa. Je vois pas pourquoi je dirais non, bon après tout je vois pas ce que je peux apporter, mais s'ils le disent... Un mot appris en tout cas, community manager. Voilà, c'était quand même... ce sujet-là qui était abordé. Le temps passe. Je crois que maintenant, pas toujours, mais presque, j'arrive à comprendre du premier coup les mails d'Alan. En vrac, j'ai appris énormément de mots. Best, feedback, no worries, la home, be my guest, next step, live. Alors bon, Alan, tu vires le teaser de la home, je renvoie un draft et tu me fais un feedback, ok? Je fais partie de Podcast Créance. Bon ben voilà, rien à rajouter, du coup on passe à la suite. Donc après on a commencé l'émission 106. Alors 106 c'est de l'émission Tu t'es vu quand tu fais de la science, la première émission radio dessinée. Alors Topo va venir nous en reparler, donc je vais pas en dire plus que ça, mais bon, donc c'était l'inauguration des soirées radio dessinées. Après on a fait une émission sur la mort, l'émission 107, où donc c'était une émission pour la semaine thématique du Café des sciences sur la mort. Une de ces émissions à plusieurs voix où on parle d'un sujet, donc Marco a montré à quel point c'était compliqué de définir la mort, Alan a débunké les idées selon lesquelles l'âme pèserait 21 grammes et la barbe et les ongles continueraient à pousser après la mort, et David nous parla de l'apparente absurdité de la mort et du vieillissement dans la sélection naturelle. Finalement, on peut parler de ce sujet sans un ennui mortel. Ensuite, l'émission 108, c'était la tectonique des plaques. Alors ça, c'était un dernier, pas le dernier épisode de Marco, mais le dernier avant qu'il s'absente un petit moment, puis qu'il revienne nous parler plus tard de mécanique quantique. Et histoire de partir sur une belle note, à son habitude, il décide d'énerver encore les créationnistes en nous narrant le fait selon lequel les continents sont en perpétuel déplacement et qui est à la source de la plupart des tremblements de terre. L'épisode 109, ensuite, c'était l'occasion de faire venir Florence Porcel, parce qu'elle venait de lancer le Twitter de l'univers. Alors, c'est le genre de truc où Robin se demandait un peu où il était, parce que ça consistait en quelques dizaines de comptes correspondant à ce qu'on trouve dans l'univers. Donc, par exemple, on voyait le Soleil insulter les misérables terriens, la Terre engueuler la Lune lors des éclipses, le boson se moquer du CERN quand il jouait à cache-cache. Bref, vous avez compris le concept. Et Florence venait nous parler de ça. Et enfin, pour cette petite série, on a eu sur l'épisode 110, on a parlé de psychothérapie et de Carl Rogers, qui a été un des fondateurs dans ce domaine. Et donc ben là, je vais laisser Pierre nous raconter un peu plus en détail les soirées radio dessinées. Très bien. Bon, ben bonjour à tous. Donc moi, mon nom, c'est Pierre. Mon pseudo, c'est Topo. Et je suis le blogueur derrière Strange Stuff and Funky Things et qui parle essentiellement d'évolution, de biologie. Mais j'ai une passion inavouable. J'adore les parasites. Et comme tout bon parasite qui se respecte, généralement, par exemple, vous avez les guêpes parasitaires qui... aiment pondre leurs œufs dans leurs hôtes pour pouvoir faire que leur progéniture se retrouve dans un milieu riche en nutriments, se nourrissent de leurs hôtes jusqu'à ce qu'ils puissent éclore. Et moi, mon bébé, c'est Strip Science. Et il me fallait un hôte. Alors, bon, j'ai cherché. Et donc, le lancement de Strip Science, c'était novembre 2011. C'est une communauté, une plateforme de blogueurs scientifiques et de blogueurs illustrateurs qui se rencontrent et qui essayent d'une certaine manière, se faire s'entrechoquer deux mondes, celui de l'illustration et celui du monde scientifique. Et donc, moi, j'avais toujours en tête d'essayer de rendre interactif ce genre d'événement, ce genre d'interaction. Et mon bébé, ce que je voulais, c'est lui trouver un terrain de jeu sur lequel on puisse voir interagir des blogueurs, des illustrateurs, la science, etc. Et donc, le meilleur endroit pour le faire, c'est un bar, hein, bien entendu, puisqu'il y a de la bière, et un événement sur lequel on puisse justement se retrouver dans la convivialité et essayer d'interagir ensemble. Donc, le premier apéro qu'on a organisé, c'était l'apéro Science et Web. C'était mon premier hôte, et je dois dire que c'était un échec. Bon, voilà, comme toute guêpe parasitaire, on pond une première fois, ça ne marche pas. Bon, c'était ça, c'était l'apéro Science et Web spécial Science et BD, dans lequel j'ai parasité une soirée grand mix qui n'existe plus. Ça montre bien que parfois, il faut chercher son hôte assez bien. Donc, il y avait à cette soirée Lily, Aurélie Bordenave, Alain Beneteau de Paléospot, qui parle énormément de dinosaures et qui est un illustrateur de grand talent, Benoît Crouzet et mon ami très cher Alain Prunier. Donc ça avait commencé à avoir des petites interactions, mais c'était pas encore génial. Et puis, à un moment, j'ai trouvé non pas mon hôte, mais mon écosystème, le SPGG. Et ça, c'était un bon endroit justement pour avoir une interaction, puisque c'est un lieu dans lequel, malheureusement, on ne pouvait pas boire à notre soif, mais en tout cas, on pouvait d'une certaine manière interagir bien, puisqu'ils avaient organisé une sorte d'exposition sur l'humour, une exposition participative, c'est-à-dire que les gens, les intervenants, enfin plutôt les visiteurs, arrivaient avec leurs propres blagues pour les les exposer. Donc c'était un terrain assez original. Et donc ce qu'on a tout simplement réalisé, c'est une rencontre entre illustrateurs scientifiques sur le thème de l'humour. Et à cette occasion, il y avait Vran, mon ami, Adrien de Milly, Alain Beneteau, encore une fois, le collectif de Doc en Stock, qui présentait leur projet Bulle du Labo, qui était justement raconter l'histoire de Thésard avec l'aide de deux illustrateurs, Agathe Vander et Gérald Lubin. Et à l'occasion de cet événement, il y avait un live drawing dans les toilettes. Donc vous pourrez voir quelques dessins sur la diapositive qui sont exposés. Je pense qu'on mettra dans les notes de l'émission. Puisqu'on avait invité Jules et que Mathéo, l'organisateur de cette rencontre, nous avait dit « Bon voilà, on a des toilettes. Ce qu'on aimerait bien, c'est que vous les décoriez. » J'ai fait « D'accord, avec quoi on met du papier ?» On dessine. « Non, vous prenez des stabilos, vous prenez des marqueurs, vous y allez. » Je fais « Mais c'est des marqueurs indélébiles, ça va ?»« Oui, oui. » Ok, très bien. Et ce qui s'est passé, c'est que Jules est arrivé et a dessiné des cacas partout sur les toilettes. C'est magnifique, c'est incroyable. Et le plus incroyable pour moi, c'est que bon, moi j'étais extrêmement gêné, mais même si j'ai rigolé vraiment très très fort quand j'ai vu ce qui se passait. Et le plus enthousiaste sur ce projet, c'était quand même Mathéo, ce qui avait organisé. Il fait, mais vous vous rendez pas compte, c'est génial. Les enfants qui étaient venus là, ils vont faire ah là là, le SP gêné, c'est génial. On est allé aux toilettes, on a vu des cacas, c'est super. La science, c'est bien. Donc voilà. Je pensais que là, justement, on avait trouvé le bon climat, mais il me fallait un autre. Il me fallait justement quelque chose pour lequel ces interactions puissent véritablement fleurir, que ma progéniture puisse se garnir de tous les nutriments qu'il fallait. Et cet autre, c'est Podcast Science. Et le premier événement, justement, où on a organisé ces interactions extrêmement prolixes entre illustration et émission qui parle de science, c'était une émission radio dessinée. Je crois que c'est même pas moi qui ai eu cette idée. Je pense que c'est Alan qui avait dit qu'on pouvait faire une émission et qu'on pouvait inviter le collectif Strip Science à réagir immédiatement sur les choses qui étaient dégagées pendant l'émission. Et la première, c'était « Tu t'es vu quand tu fais de la science », à l'occasion de laquelle j'ai pu rencontrer pour la première fois Nicotup. Et il y avait aussi Gleb, Alain Prunier, Mel, Belzaran, Lily, Tiffen, Vran, Benoît Crouzet, Clio. Et tout ce petit monde a réagi en live sur les blagues qu'on essayait de faire, justement, nous, de notre côté, dans l'émission radio. Donc c'était assez génial. Et on a eu deux autres émissions radio dessinées. La soirée L'amour est dans la pipette, en mars 2013, dans lequel on a parlé d'amour, toujours à l'USPGG. Et enfin, donc à cette occasion, il y avait Gleb, Arnaud Raphaëlian, Cam, Sef, Fip, Mel, Belzaran, Lucille et Nicotup. Là, je peux faire une mention spéciale pour Fip, qui a dessiné 20 à 30 dessins dans une seule soirée pour réagir justement sur... Bon, c'est vrai que le thème l'amour, qui a bien sûr dérivé sur le sexe, était très, très inspirant. Mais cependant, c'était quand même assez impressionnant. Et enfin, la dernière, pour une fois, on a changé d'écosystème, on est allé à Lyon. Soirée, une expérience presque parfaite dans laquelle il y a eu Lucille, Monsieur Alexandre, Océan Électrique, Gleb, Fip, Nicotup et Marc Goncalves. Alors je dis la dernière parce que c'est la dernière que j'ai organisée moi-même et là je suis très fier parce que on peut se sentir fier de son propre parasite quand il devient indépendant de soi-même. Et là c'est ce qui s'est passé puisque après ça, donc visiblement Podcast Science s'auto-parasite lui-même et organiser deux émissions radio-dessinées d'elle-même, une soirée science ouverte, c'est ça, et enfin un événement qui a eu lieu au CERN qui était aussi radio-dessiné. Donc en tout cas, merci haute chérie d'avoir accueilli si bien mon bébé. C'est presque une symbiose. Et pour reprendre le fil donc des émissions depuis la centième, donc pendant l'émission 110, on a parlé de psychologie avec mon amie Caroline Grapp, psychologue clinicienne, qui nous a présenté Carl Rogers et l'approche centrée sur la personne. En gros, là où Freud voyait de la perversion partout, Rogers était bienveillant et s'appuyait sur de la science. Alors, les résultats de son approche thérapeutique majoritaire dans le monde entier, sauf en France, bien sûr, dernier bastion de la psychanalyse, sont évidemment remarquables. Pour le numéro 111, c'était encore une contribution amicale et néanmoins excellente par notre ami Xavier Durussel, qui nous a parlé d'intolérance au lactose, qui donc n'a rien à voir avec une allergie. Le truc de fou que j'ai retenu, c'est que le lait sans lactose, ça n'existe pas. Il a débunké un mythe lui aussi. C'est en fait du lait dans lequel on ajoute de la lactase, donc il y a toujours du lactose, mais en plus il y a de la lactase, l'enzyme qui n'est plus produite par les personnes qui souffrent de cette intolérance et qui permet de casser les molécules de lactose. On a eu droit ensuite à deux formidables épisodes de Robin sur le hasard. Alors, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais moi, je me sens super intelligent quand j'écoute un épisode de Robin. Il emmène mon cerveau dans des recoins dont je ne soupçonnais même pas l'existence. C'est un peu comme du baume sur le cœur, de la confiture sur un scone, du miel sur un yaourt. Et entre les deux épisodes de Robin sur le hasard, nous avons dignement fêté la fin du monde de décembre 2012. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la fin du monde en décembre 2012. Avec l'épisode 113, où j'ai décodé pour nos auditeurs le calendrier Maya, Nico a listé toutes les apocalypses de ces 1000 dernières années. Le monde s'arrête de tourner beaucoup plus souvent qu'on croit. Et David nous avait fait un petit point sur les sectes apocalyptiques. On s'est bien marré. On devrait tous mourir plus souvent. Et Julie nous a récupéré un petit extrait. La fin du monde. Alors, ouais, j'ai fait un petit florilège. Donc, l'idée, c'est que c'est parti de... Il y a un merveilleux article de Wikipédia que je vous conseille tous en anglais sur la liste des prédictions de fin du monde. J'ai été voir un peu les sources. J'ai trouvé deux bouquins et j'ai réussi à recenser 143 fins du monde. Donc, un bon paquet de fin du monde, ça fait bien plaisir. Alors ça, on va le voir dans la suite. Le fait de se tromper sur les fins du monde n'empêche pas de continuer à avoir des croyants, hein. Là-dessus, la conclusion de l'auteur d'un bouquin que je vais citer à la fin qui m'a beaucoup servi et à mon avis la meilleure conclusion qu'on peut avoir là-dessus. Les alignements de planètes sont comme les papillons et les bikinis, c'est joli à regarder mais c'est pas dangereux pour un sou. Alors, l'erreur de calcul c'est l'excuse la plus standard, mais il y a des excuses un peu plus panaches. Comme en 1996 où il y a Sheldon Needle qui annonce une fin du monde et quand il découvre, quand on arrive le lendemain et que la fin du monde n'a pas eu lieu... Il annonce que c'est pas du tout le cas, que la fin du monde a bien eu lieu, mais que en fait nous vivons dans une projection holographique 3D de notre monde maintenant. Ok, c'est la version Matrix en fait. Ouais, c'est ça, c'est la version Matrix. Pourquoi pas. Aller au travail au pyjama, avoir un statut social très élevé au sein de son environnement professionnel, souvent cumuler un certain nombre d'avantages en nature, pouvoir voyager gratuitement et souvent avoir des subordonnés dévoués. Qui n'a pas rêvé un jour d'être gourou ? Et quand il a organisé son suicide massif qu'il a plus ou moins improvisé, vu que c'était suite à un événement extérieur, la venue d'un député et le fait que l'un de ses fidèles le tue, la plupart des disciples, je crois qu'il y a une centaine qui ne l'ont pas fait quand même, à peu près quasiment 1000 personnes ont accepté de boire le poison, sont morts, il y en a quelques-uns qui sont tués, et ça a donné une scène qui a l'air de sortir d'un film ou d'un jeu vidéo, dans le sens où quelques heures après le massacre, il y avait toujours des haut-parleurs avec le discours du gourou qui s'est suicidé lui-même aussi, qui était diffusé dans l'ensemble de la colonie. Bref, que de joyeuseté. Ouais, c'est sympa. Très sympa. Là, on est dans les conseils pratiques de Podcast Science. Est-ce qu'il vaut bien la peine de faire ses achats de Noël avant le 21 décembre ? Eh bien, la réponse est ça vous regarde. Mais soyons clairs, le soleil se lèvera bien le 21 décembre, et le 22, et le 23, le 25. Bref, on aura l'air fin devant le sapin avec les enfants qui attendent leurs cadeaux si on n'a rien prévu à emballer. On va commencer par parler un petit peu de la prédiction Maya. Alors bon, les faux prophètes sont mal barrés, mais ils trouveront toujours des pirouettes pour s'en sortir, on l'a vu. Alors il reste évidemment le blackout total. Si ce n'est pas Nibiru, ce sera l'alignement planétaire exceptionnel du 21 décembre qui sortira la Terre de la troisième dimension pour l'envoyer en dimension zéro pendant 3 jours. 3 jours durant lesquels il faudra beaucoup s'aimer, beaucoup prier, parce qu'après ça va être hardcore. On entrera en dimension 4. Et c'est la NASA qui aurait prédit tout ça pile poil pour le 21 décembre. Bon, là... J'ai hésité à le relater, j'hésite même à commenter. La NASA a bien sûr démenti avoir raconté quoi que ce soit d'aussi niais. Ces histoires d'alignement sont resservies tellement souvent qu'elles devraient prêter à sourire aujourd'hui. Dans le vrai monde, ça arrive de temps en temps, comme l'a dit Nico tout à l'heure, que les planètes du système solaire s'alignent plus ou moins sur un plan. Rien de tel n'est prévu pour le 21 décembre prochain, mais c'est arrivé en 1962, en 1982, comme l'a dit Nico, en 2000 également. Et ça arrive chaque année, au mois de décembre, la Terre et le Soleil sont alignés sur le centre de la Voie lactée. Là aussi, ça perturbe pas trop nos micro-ondes. Voilà, donc comme vous avez tous pu le constater, la vie a continué en dépit de toutes les attentes. Il a bien fallu sortir un épisode la semaine suivante. C'était encore une formidable contribution. C'était notre amie Jeanne, cette fois, qui nous parlait des maladies somatoformes, dont la fibromyalgie, nous rappelant que la médecine moderne, basée sur des évidences scientifiques, est encore malheureusement bien impuissante dans certains cas, pour certains isolés du système qui souffrent en silence. Épisode 116, et suivant ? Ouais, épisode 116. Alors, épisode 116, c'était sur la transformée de Fourier. Alors, la transformée de Fourier, depuis que je suis dans Podcast Science, je savais que j'en parlerai un jour ou l'autre. C'est un des outils centrales de ma thèse et surtout, ça fait partie de ces choses indispensables, mais pourtant méconnues. Donc, cet épisode-là était pour combler le manque et expliquer pourquoi, entre autres, certains scientifiques vous disent aujourd'hui que tout est onde ou encore comment on arrive à faire des applications de photos aussi impressionnantes sur une machine aussi peu puissante qu'un téléphone mobile. Les deux épisodes suivants, le 117 et 118, c'est sur la mesure. Donc, ça, je me souviens encore, quand Alan était venu, une des nombreuses fois où il est venu à Paris, on avait été au musée des arts et métiers, qu'on saurait trop vous conseiller de visiter si vous passez dans le coin. Et parmi les présentations du jour, une sur la mesure. Ça tombe bien, je suis sûr, bien sûr, qu'il avait tout préparé, le bougre, parce que justement, il avait prévu de faire un dossier dessus. Et du coup, bah, c'est dans cet épisode qu'on découvre, c'est ce qu'Alan a essayé de trancher, de vous reconstruire, le foutoir que c'était avant d'avoir un système métrique et l'incroyable bouleversement que ça a été, sa mise en place. L'épisode 119, ensuite, on a parlé de parapsychologie. Alors, cette fois-ci, on recevait Jean-Michel Abrassard du podcast Scepticisme Scientifique. Et pour l'interviewer, pas n'importe qui, le merveilleux ami du podcast, Georges McKee, qui se demandait si la parapsychologie était une science et nous proposait une interview tout à fait passionnante. Tu avais une remarque sur la mesure ou... Donc on avait vu que le système métrique avait été inventé en France, enfin que Paris joue un rôle central dans cette histoire. Et tout à l'heure, un de nos auditeurs qui a respecté la licence Beerware nous a offert une bière. C'était super sympa en nous demandant si on voulait une pinte ou un demi. J'ai pas vraiment compris la question. 200-300 ans plus tard, il y a peut-être encore du boulot à faire dans les consciences. Ouais, de toute façon, sur la mesure, il aurait dû avoir aussi 10 jours dans la semaine, non, c'est ça? Si on avait gardé toute la métrique. Ouais, mais va savoir pourquoi les Français ont râlé là. Et 10 heures par jour. Bref. Donc ensuite, on a fait encore un double épisode, 120-121, sur le vide. Alors, ce qui est bien, c'était Mathieu. Donc, pour les plus jeunes qui écoutent le podcast depuis pas trop longtemps, Mathieu, c'est un des fondateurs du podcast avec Alan, qui s'est éloigné de celui-ci depuis un bon bout de temps. Et ce qui est bien avec Mathieu, c'est que quand il est de passage dans le podcast, on sait que certes, on va avoir un peu mal à la tête, mais qu'on va apprendre plein de choses et vouloir en savoir plus. Et donc là, il revient pour nous faire un merveilleux dossier sur le vide. Et alors... La plupart des gens pourraient penser qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le vide. Bah lui a considéré qu'il fallait y consacrer deux épisodes. Entre-temps, du coup, là, je vais vous parler un peu de la chatroom. Parce que donc dans Podcast Science, on a une chatroom, cette chose qu'a découvert Robin un jour. Et jusqu'à il y a un petit moment, en tout cas après la centième, la chatroom, c'était une sorte de bricolage avec plein de trucs récupérés à droite à gauche du web qui marchotaient comme ça pouvait et qui, en général, marchaient mal. Et du coup, un jour, il se trouve que Niptech, encore une des inspirations de Podcast Science pour la côte et pour plein d'autres choses, avait une nouvelle chatroom super belle avec vidéo intégrée, simple et qui marchait. Du coup, nous, un peu jaloux, on s'est dit qu'on allait essayer de récupérer leur chatroom. Du coup, c'est moi qui m'y suis plié, j'ai essayé de tout télécharger, d'installer et bien sûr, ça ne marchait pas. Donc, j'ai choisi la solution la plus simple, à savoir tout recoder depuis zéro et refaire un truc fait maison. Bon, et bien sûr, finalement, ça a fait un truc qui marchait pas mal. On a été assez contents. Alors, bien sûr, elle a gardé ses comportements aléatoires. Hein, faut pas non plus. Elle a pendant longtemps affiché un nombre de connectés assez étrange, un peu aléatoire. Elle a eu des comportements dictatoriaux. Elle en a encore essayé donc d'écrire salaud, par exemple. Depuis lors, elle ne cesse d'évoluer. Donc, on a maintenant des images. C'est Pascal qui s'en occupe avec amour, dont je vais vous parler tout de suite. On a une gestion d'images maison. On a la possibilité de poser des questions à l'équipe, de quelques easter eggs merveilleux. Enfin bon, on a une chatroom qui évolue pas mal et qui, hélas, n'a pas pu être présente ce soir pour des raisons de connexion Internet. C'est ça. Et donc, justement, comme j'en parle, on va parler de Pascal très rapidement, qui peut pas être là non plus ce soir. C'est normal, il n'y a pas de live, donc là, ça l'intéresse pas, quoi. Il n'y a pas de chatroom. Et alors, l'arrivée de Pascal, ça rappelle l'arrivée de beaucoup d'autres membres du podcast. Un jour, pendant un épisode, quelqu'un râle sur un problème de la chatroom. Bien sûr, j'ai pas le temps. Alors, je lui réponds l'éternel, si t'es si malin, fais-le. Qui commence à être assez récurrent bien, hein. Dans le podcast. Ouais. Et qu'à cela ne tienne, Pascal s'y met, parce que quand un bug l'agace, il veut le résoudre. Et il commence en ne connaissant absolument rien aux technologies utilisées. Bon, c'est rien de grave, hein. C'est un nouveau langage, des nouveaux outils, etc. Bon, c'est quand même un informaticien depuis un sacré nombre d'années. Et pourtant, il s'y met, il résout très rapidement le problème. Et ensuite, il se dit qu'il va intégrer un nouveau design que nous a fait Maxime Siméon, un web designer qui est passé et qui a disparu depuis, mais qui nous a fait une belle chatroom. Et bien maintenant, grâce à lui, on a quelque chose qui fonctionne, qui change son numéro, qui change son titre, qui envoie automatiquement les images sur le site, qui modifie les messages des auditeurs pour quelques blagues, bref. Tout ce qu'on aime et on le remerciera jamais assez, Pascal et sa fameuse chatroom. Ouais, c'est vrai. Merci Pascal qui vient d'ailleurs de réparer un bug qu'on avait encore sur le site web. Normalement, si vous vous rendez sur la page des épisodes, à partir de maintenant, ça fonctionne. Jusqu'ici, c'était plutôt aléatoire. Ouais. Moi, je vais juste improviser un tout petit peu en tendant un micro à notre ami Pierre et puis lui demander, dès que j'aurai fini de papoter, de nous commenter ce que les dessinateurs sont en train de faire, parce qu'on a la chance d'avoir Diti et Pouillot qui sont là, pas encore, je te le branche après, et qui sont bien sûr inspirés. Donc, on a listé les soirées radio dessinées, on pourra considérer que cette émission anniversaire est aussi un concept un peu radio dessiné. Mais d'abord, je vais vous parler des épisodes 121 à 125. Donc 121, c'était suite et fin du dossier de Mathieu sur le vide, très en forme malgré une longue absence. Mathieu n'a pas hésité à nous parler carrément de vide quantique. On a eu droit à l'effet Casimir, à la gravitation quantique, à la mer de Dirac, au vide de Higgs, bref, du grand Mathieu. L'épisode 122 était un débat très objectif, super objectif, sur le nucléaire. Je ne me rappelle plus si on avait un pro ou un anti-nucléaire, mais bon, on n'en avait qu'un, quoi. Ça ne l'a pas vraiment fait. David était furieux. L'un de ses intervenants l'avait lâché à la dernière minute et du coup, il a fait ce qu'il a pu. Pauvre David, c'est les grands moments de solitude radiophonique. Ça fait aussi partie des joies du live. David a pu se rattraper en assurant l'épisode suivant. C'était le numéro 123 sur les rêves lucides qui a remporté un franc succès, qui a été publié dans sa version écrite dans l'anthologie 2014 des blocs de science par nos amis québécois de l'agence Science Presse. J'aime bien les épisodes de contributeurs en général. Là, je dois avouer que j'ai vraiment particulièrement aimé le numéro 124 qui avait été assuré de main de maître par Laure, qui nous a parlé d'un livre de Jared Diamond sur le succès des civilisations. La théorie est super intéressante. Je ne m'étais jamais posé les questions sous cet angle et j'ai juste adoré. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, filez réécouter l'épisode 124. C'était vraiment bien. Puis ce fut l'épisode 125, l'une des soirées radio dessinées dont Pierre nous a parlé tout à l'heure. Cette fois, on a trouvé un moyen de mettre en valeur le travail des artistes pendant le live avec un Nicotube très en forme qui jouait les Monsieur Loyal. On a parlé d'orgasme, de filtre d'amour, de phéromones, de maths et de mariage, de Viagra féminin, de contraception masculine, de tournée manège. On a cassé le vieux mythe selon lequel les hommes pensent au sexe toutes les 7 secondes. Enfin, en gros, on s'est bien éclaté. Et puisqu'on parle de soirée radio dessinée, bon, on se remet tout de suite dans l'ambiance. Pierre, si tu veux bien nous dire un peu ce que tu as vu au bout de la table. Oui, je retiens comment tu m'as embarqué sans me prévenir, mais bon, sympa, c'est pas hein. Grave. Tu fais partie de l'équipe là, non? Oui, bien sûr. on va parler contrat après. Donc, on va commencer par Pouillot, qui a commencé donc à nous décrire le podcast Science numéro 200. Grand spectacle cette fois-ci, puisqu'il propose de monter un accélérateur de particules, comme au CERN, mais en mieux. bon, on va voir comment ça va se passer. On a un boson. Hein. Sur place. On a un boson, donc en fait, on n'a pas besoin de le chercher, on n'a peut-être pas besoin faire beaucoup de matériel. Podcast Science 200e se passe justement au dernier bar avant la fin du monde, avec dans la salle, vous ne pouvez pas le voir, mais on prendra beaucoup de photos, le siège de Game of Thrones. Du coup, Pouillot a fait un dessin. Après Game of Thrones, je propose Game of Science, mais je garde le siège. Bravo, Pouillot. Et encore un dernier dessin. Souvenir d'épisode, oh là là, j'ai un épisode vide, oh non, mais c'est bien, mais c'est vide, ouais, mais c'est un gros dossier, hein, le vide, un dossier en deux parties, très bien, donc on vous enverra les dessins, puisque je capte avec mon téléphone, je vais essayer de les envoyer sur Twitter via le compte de StripScience, hein, puisque je suis un bon parasite. Bien sûr. On passe à Diti, qui a fait plusieurs dessins, qui est très prolifique, alors est-ce que tu peux me mettre sur le premier dessin que tu as fait? On y va, tom. Merci. Donc il y a un premier où justement elle montre les conditions dans lesquelles elle est en train de dessiner. C'est vrai qu'elle est en bout de table, donc c'est pas génial. Ensuite c'était la conversation pour relancer le slideshow. Donc je comprends pas comment ça marche, laisse tomber. C'est vrai que c'était assez épique pour pouvoir lancer, puisqu'on est quand même en mesure de montrer les dessins des dernières émissions radio dessinées au préalable. Voilà. Donc historique de l'émission avec un grabataire qui dit « Oui, à mon époque du podcast science !» Et une remarque sur Robin qui parlait d'avoir un ongle puis un doigt dans l'engrenage. Un doigt dans l'engrenage, enfin ce serait cool si je pouvais le récupérer à la fin de l'émission. Donc on le voit avec un doigt plein ensanglanté entre deux engrenages. une réaction sur moi et les parasites où on voit un insecte qui pond dans une plaie. Ouais, voyez, vas-y, pond-lui dans un œuf dans la plaie ouverte. Et enfin, être un gourou. Julie, c'est ça, c'est Julie qui fouette un membre de Podcast Science. Plus vite, mon café, et n'oublie pas la crème fouettée. C'est la prêtresse, Julie. Exactement, bah, justement, prêtresse dans un culte plutôt particulier. Je ne sais pas si je m'engagerai dedans. Et enfin, la chatroom évolue alors qu'elle est dépourvue d'ADN. Darwin s'interroge et se demande s'il ne devrait pas déterrer quelques fossiles de chatroom. Formidable, merci Pierre. Pierre, c'est juste un pote. Vous pouvez lui balancer un micro comme ça, lui demander d'improviser à la dernière seconde. Bien sûr, ça se passe bien. On l'a éteint ici, c'est bon. Il faut justement que je prenne 2 minutes pour vous dire un petit mot sur Pierre. Comme je deviens vieux, je ne me rappelle plus si je vous ai déjà raconté tout ça. Si c'est le cas, ça ne fait rien. Ça vaut la peine que ce soit dit et redit. Je vais vous parler un peu de moi d'abord. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai vécu une adolescence un peu turbulente et chaotique, à tel point que je n'ai même pas le bac. J'ai tout de même réussi à me débrouiller plus tard pour faire quelques études, mais quand même, cette histoire de bac m'a toujours laissé comme un vieux complexe et surtout m'a fermé les portes du monde académique. On pourrait épiloguer sur les injustices d'un système qui laisse sur le carreau des gens pourtant intelligents et désireux d'apprendre car ils n'ont pas eu la chance de grandir dans un environnement suffisamment sécurisant pour s'épanouir au bon moment, mais bon, pour faire court, à cet égard, je suis conscient de l'immense privilège que j'ai d'être né suisse plutôt que français. C'est pas super facile non plus, mais enfin, en Suisse, on peut quand même réussir sa vie sans bac. En France, j'ai l'impression que ça aurait été beaucoup plus difficile. Bref, tout ça pour dire que je tremblais à l'idée que des scientifiques puissent un jour tomber sur le podcast. J'avais une vision sans doute un peu idéalisée des scientifiques et j'avais peur d'être perçu comme un imposteur. Vraiment. Ça semble débile aujourd'hui, hein. J'ai presque honte de faire cette confession, mais voilà, c'était l'esprit à l'époque. Je m'étais entouré de non-scientifiques, je voulais partager mon amour de la science pour les non-scientifiques, et je ne pensais pas une seconde à l'époque que les scientifiques eux-mêmes puissent être amateurs de vulgarisation. Pourtant, quand on y réfléchit 2 secondes, évidemment, quoi, les physiciens ne comprennent rien au jargon spécialisé des biologistes et vice-versa, et pourtant, la curiosité scientifique qui les a poussés à embrasser leur carrière est souvent restée intacte. Donc, ils continuent de s'intéresser à tous ces sujets. Mais enfin, à l'époque, voilà, je me la jouer low profile, je ne me serais jamais douté que des scientifiques nous écoutent. Mathieu et moi avions lancé le podcast le 1er septembre 2010, et un peu plus de 6 mois plus tard, le 4 avril 2011, juste trop tard pour être une blague, on recevait le message suivant, qui nous disait « Je suis Topo, a.k.a. Pierre Kerner, le créateur et blogueur principal de SAFT, Strange Stuff and Funky Things. J'ai découvert votre excellent podcast via Scepticisme Scientifique et je suis devenu accro. Je me suis donc permis de proposer votre candidature au sein du Café des Sciences pour que votre blog et podcast figurent dans l'agrégateur de notre association. Il s'agit essentiellement d'un agrégateur, mais aussi d'une future plateforme tentant de promouvoir la communication scientifique et la vulgarisation scientifique au travers des nouveaux médias. En gros, un très bon moyen de gonfler ses stats et d'atteindre un nouveau public. La session de vote des membres de l'association a commencé. J'espère sincèrement que vous nous rejoindrez. Continuez votre excellent travail. De toute façon, à bientôt, Pierre. » Alors, Pierre se doutait sans doute pas un instant de ce que ce parrainage spontané et gratuit représentait pour moi. Non seulement un vrai scientifique nous écoutait, donc Pierre est chercheur en génétique évolutive, il était en postdoc à New York quand il nous a écrit, on fait difficilement plus scientifique que ça, il ne nous détestait pas, il nous trouvait excellents, il nous sponsorisait pour rejoindre les rangs d'une bande de scientifiques. Il nous proposait en quelque sorte d'entrer dans la famille. Ça ne veut pas dire qu'il a été tendre avec nous pour autant. Quand j'ai dit des conneries sur l'évolution, je me suis fait remettre à ma place à la mode du chef. Zéro concession, pas de traitement de faveur pour les amateurs, il n'y a qu'à être aussi bon que les pros et c'est tout. Ah bon, passé ce moment de gloire ultime, de formidable reconnaissance inattendue, d'accueil chez les sciencieux, j'ai appris à mieux connaître Pierre. Je me suis rendu compte qu'il aimait bien prendre sous son aile les créatures les plus mal foutues et les plus dégueulasses que l'évolution ait commises, ce qui donne un éclairage très particulier à ce parrainage. Mais qui pourtant avait beaucoup compté pour moi à l'époque. Mais bon, voilà. Pierre fait partie désormais de ces quelques personnes hyper précieuses qui, à leur manière, ont changé le cours de ma vie. Je suis heureux et fier de le compter parmi mes amis. Podcast Science ne serait pas Podcast Science aujourd'hui sans lui. Le Café des Sciences non plus. Pierre est un mec formidable. Voilà, c'est dit. J'en profite pour l'engueuler à mon tour. Pierre, on veut du SAFT. S'il vous plaît, des applaudissements pour notre ami Pierre. On enchaîne ? Ouais. Alors pour le 126, on avait fait un épisode sur un livre qui s'appelle L'impensable hasard. Alors pas n'importe quel épisode, moi c'est un de mes préférés à ce jour. Pas seulement parce que Nicolas Gizin qu'on recevait est un formidable vulgarisateur, en plus de lui aussi être un scientifique, ou que l'intrication quantique est un sujet aussi étonnant qu'intéressant, mais c'est aussi parce que cet épisode a, en tout cas de mon côté, lancé un peu les interviews un peu longs et fouillés sur un livre avec son auteur. Alors déjà, c'est incroyable de pouvoir papoter d'un auteur à un, avec un auteur de son livre. Mais en plus, on s'est rendu compte en le faisant que finalement, on a rarement l'occasion à la radio ou autre d'aller vraiment dans le détail d'un livre, d'en savoir plus, surtout un livre de science. Et donc, on était deux cette fois-ci à avoir lu et à avoir une foule de questions à poser sur le livre. Et cette expérience a l'air d'avoir plu aux auditeurs et à l'interviewer. Donc, je vous invite à l'écouter, à lire le bouquin. Et c'était tellement passionnant qu'on va mettre un extrait tout de suite. Vous dites, en fait, à un moment de votre livre, une explication, c'est essentiellement une histoire qui raconte un phénomène à expliquer. Et de manière générale, dans tout le livre, vous parlez de la recherche de la bonne histoire à raconter pour la non-localité. Et on a l'impression qu'aucune ne vous satisfait pleinement pour l'instant. Et vous dites pourtant qu'il existe un modèle mathématique qui consiste en des projections, qui fonctionne. Vous parlez d'expériences qui prouvent tout à fait que ça fonctionne. Et ça me laisse un peu perplexe, alors sans doute à cause de mon cerveau un peu matheux, à savoir que vous avez un modèle mathématique qui marche, des expérimentations qui marchent, et je comprends pas trop pourquoi vous avez besoin de chercher une histoire à raconter en plus. C'est pour ça que vous faites des maths et pas de la physique. Ouais, c'est ce que je me disais en fait, c'était pour être sûr. Parce que je pense que, en tout cas pour moi, une équation, donc moi je suis assez à l'aise avec les mathématiques, j'ai aussi une licence de mathématiques, c'est pas ça. Oui, bien sûr. J'ai un peu peur avec les mathématiques, mais pour moi une équation, c'est pas une explication. Il me faut raconter une histoire. Je pense que c'est comme en racontant des histoires qu'on comprend. Et des cours de physique ne commencent jamais par une équation. Un cours de physique, ça commence par une histoire pour raconter qu'est-ce que c'est que le concept d'énergie, qu'est-ce que c'est que le concept de force, des choses comme ça. Et donc on raconte des histoires, l'histoire du jeu de Bell, etc. Et puis c'est pas forcément facile, mais il y a une histoire à raconter. Et les équations, les maths en quelque sorte, ça vient après. On en a besoin parce qu'on veut pouvoir faire des prédictions bien précises. Et puis des fois il y a des choses trop compliquées, il faut pouvoir bien calculer. Mais la compréhension, elle est pas dans les maths. Pour l'épisode 127, on avait parlé de la genèse de la physique quantique. Alors c'était Marco qui faisait son retour et son dernier dossier à l'heure actuelle. Peut-être qu'il va venir nous en refaire un sur la genèse donc, de la physique quantique. Vous savez, c'est cette fantastique guéguerre entre tous les grands noms de la physique de l'époque pour mettre au point une théorie, certes incompatible avec la relativité générale, mais qui allait expliquer mieux que jamais le monde de l'infiniment petit. Pas taper Robin. Ensuite, pour l'épisode 128, on a eu un très très long débat sur, explication plutôt, sur l'évolution est-elle une science ? Alors, Alan a un peu mis en place ce débat, enfin, je ne veux pas dire débat parce qu'il n'y a pas de débat à avoir, hein, c'est un fait, c'est plus des réponses à des questions, à cause de moi. Parce que c'est vrai qu'avant cette émission, je ne me rendais pas compte à quel point je ne savais absolument pas ce qu'était l'évolution du point de vue scientifique, mais que j'en avais plutôt la connaissance commune faite à ce que j'entends à droite à gauche et en particulier tout ce que peuvent souvent mal expliquer les médias. Donc pas d'extrait pour cette émission, c'était bien trop long pour en sélectionner un. Mais si vous vous posez des questions, si vous avez des doutes, si vous entendez des choses à droite à gauche que vous comprenez pas, foncez, c'était passionnant. Pour l'émission 129, on a fait un podcast sur Eddy Lamarr. Alors là, j'ai retrouvé les mails en fait qui d'origine de ce podcast. Donc d'abord, on a reçu un message d'auditeur qui disait « Bonsoir, merci pour toutes vos émissions accessibles aux néophytes des sciences. J'ai découvert dans un magazine un résumé de la vie incroyable d'Eddy Lamarr, actrice et inventrice américaine de la torpille radio-téléguidée, apparemment à l'origine de l'invention du Wi-Fi. Ça me ferait très plaisir que vous lui consacriez une émission. Excellente continuation, amicalement, Anne-Lise. » Réponse tout de suite d'Alan. Merci pour votre message et vos encouragements. Eddy Lamarr, connu pour ses scènes de nuit et la première simulation d'orgasme sur un grand écran, est effectivement à l'origine de l'étalement de spectre, un système de codage des transmissions intégrées, entre autres dans la norme Wi-Fi. C'est vrai qu'elle mériterait totalement qu'on lui consacre un petit dossier, son histoire est vraiment haute en couleur. Ben voilà, il m'en a pas fallu plus pour faire un dossier dessus. Par contre, quel enfer ce fut de trouver des informations, donc je vous invite à le réécouter, plein d'informations contradictoires. Pour rappel, donc rien que dans son autobiographie, qu'elle a ensuite niée, oui, on peut nier une autobiographie, il y a deux dates de naissance différentes. Et enfin, donc sur l'épisode 130, on a fait c'est David qui est venu faire un épisode sur la culture dans le monde animal. Donc on entend souvent dire là-dessus, c'est amusant que la culture est un peu spécifique à l'homme, mais bon, et on se rend compte dans ce dossier que c'est absolument pas le cas. C'est un peu ce qu'a tâché de nous raconter David. Et ce dossier est assez passionnant, ça nous fait presque regretter que ce bon vieux David ne revienne pas à nous faire un dossier. J'espère qu'il va revenir vite nous en faire un. Excellent. Et puis, donc, tu as évoqué l'interview de Nicolas Gisin, tu as évoqué cette émission Fleuve sur l'évolution. Et ce qui nous posait un vrai problème, c'était le problème des retranscriptions, parce que dans Podcast Science, on aime bien avoir une version écrite de tout ce qu'on raconte. D'ailleurs, c'est un effet de bord assez marrant. On reçoit régulièrement, enfin un peu moins maintenant, mais un temps, on recevait beaucoup de mails du monde entier de gens qui nous disaient « j'apprends le français ». Parce que vous êtes la seule émission que je peux écouter en même temps que je la lis, et puis vous n'avez pas des accents de manuel scolaire, vous avez de vrais accents, vous parlez normalement, du coup j'apprends avec des sujets qui m'intéressent. Donc les retranscriptions étaient devenues un vrai challenge pour nous, parce que retranscrire une émission de 3 heures, vous pouvez imaginer le temps que ça prend, c'est de la folie. Julie nous a industrialisé tout ça. Ouais, donc je vais vous parler rapidement des retranscriptions. Ouais, je vais vous en parler rapidement. Donc quand je suis arrivée dans l'équipe, en fait, c'était ma mission principale. Donc ça a été une période qui a été très très faste pour les retranscriptions. Et en fait, c'était principalement suite au message qui avait été diffusé à l'antenne et où vous demandiez des coups de main. Il y a eu énormément de personnes qui ont offert leur service. Alors le problème, c'est que c'est pas forcément évident de s'impliquer ponctuellement. Et un truc qui marche bien, c'est la retranscription. Ça prend du temps, mais il n'y a pas de deadline. On peut en faire une, on peut en faire 15. Bref, c'est assez souple. Bon, à part que c'est quand même assez, alors je vais dire, fastidieux. Et donc à l'époque, Alan était encore aux commandes. J'avais donc un peu de temps et j'en ai fait quelques-unes assez corsées. Donc le palais de la découverte et bien sûr l'évolution et Talune Science, ça a été une des plus longues. Mais il y a aussi Alnitam qui en a fait plusieurs. Un immense merci à lui. David Loureiro qui avait retranscrit l'interview d'Adam Rix. Soug qui avait fait la supraconductivité et l'innovation. Johan récemment avec les vaccins de Nima. Je pense qu'il a dû... Il a dû payer, et l'interview sur CIGEO. C'est un travail très très long. Je pense qu'il faut environ 3 fois le temps de l'émission pour pouvoir la retranscrire. Mais ça apporte beaucoup, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas nous écouter. Et d'avoir un dossier écrit, ça peut être intéressant, même si on a entendu un argument spécifique sur les vaccins ou sur l'évolution. On va pas chercher sur les 3 heures du podcast où c'était. Si on a la version écrite, c'est top, quoi. Donc on va essayer de reprendre un peu, parce que vous avez peut-être remarqué que les retranscriptions, ça s'est bien calmé depuis un certain temps. Avec Joanne, on s'est réparti l'interview de Marc-André Sellos, et il y en a d'autres encore en stock et qui vont bientôt sortir. Donc appel, si vous êtes chaud pour retranscrire une interview, n'hésitez pas, vous aurez notre reconnaissance éternelle. Et j'ajoute un énorme merci, parce que pour avoir tenté des débuts de retranscription et tout, c'est un des rares trucs que j'ai fait qui monopolise tout en même temps. Quoi. Tu peux pas multitasker. Tu peux pas faire autre chose. Quoi. Pour quelqu'un comme moi, c'est extrêmement frustrant. Quoi. Et puis donc, on arrive gentiment à la 3e saison, qui était sans conteste la saison des contributions. Plein de personnes passionnantes, amateurs éclairés ou pros ou profs, sont venus nous parler de plein de sujets. Là, c'était Julien Gendreau, prof de physique, qui est venu nous raconter la saga de la découverte de la maîtrise de l'électricité et du magnétisme, avant qu'on s'aperçoive finalement qu'il s'agit de deux manifestations d'une même force, l'électromagnétisme. J'ai trouvé ça absolument passionnant. C'est les épisodes 131 et 133, pour mémoire. Pour l'épisode 132... J'ai beaucoup de tendresse pour cet épisode. Je me suis montré particulièrement machiavélique. Non seulement je me suis amusé à casser un mythe, comme j'aime bien le faire, mais en plus je me suis permis de mettre sur pied, avec l'aide de quelques complices, une expérience en direct. C'était la première dans Podcast Science. Il s'agissait d'un épisode sur le multitasking. Alors plutôt qu'en parler, je vous propose d'écouter un petit extrait. On va résumer les 3 idées qui ont servi de fil rouge à ce dossier. Donc d'abord, non, les femmes ne sont pas plus multitâches que les hommes, c'est un mythe, clairement. Oui, pour 97,5% de la population, le multitasking est un mythe, c'est une croyance infondée. On fait les choses moins vite et plus mal en les faisant en même temps plutôt qu'en les faisant l'une après l'autre. Et l'habitude généralisée de multitasker conduit à perdre toute faculté d'attention. Ça, c'est une des conséquences dramatiques aussi de ce truc-là. Et le plus troublant, comme on l'a vu, c'est que les personnes qui pensent être les plus à même de multitasker sont les personnes qui obtiennent les résultats les plus déplorables. Donc il s'agit sans doute d'un biais cognitif. Ces personnes voient bien que les autres multitasquent mal, mais elles se sentent elles-mêmes à l'abri des statistiques. Ça concerne que les autres. Et puis sur la 3e idée, donc il existe effectivement des supertaskers, des gens qui font les choses aussi bien lorsqu'ils les font en même temps, voire mieux même que s'ils les faisaient séquentiellement. Alors ces gens-là ne font jamais les choses parfaitement, ils font du quick and dirty, mais leurs résultats sont tout simplement spectaculaires par rapport à ce que peuvent faire des gens comme vous et moi. Voilà. Donc là, j'en ai fini avec le dossier. Maintenant, du coup, on va procéder à une petite expérience. Si tout le monde est prêt. Ok, on est prêt, on est prêt. Alors, ben ouais, écoute, j'ai un stylo dans la main droite, j'ai un piano dans la main gauche et j'attends les instructions. Ok, donc tu dois te trouver sur le site virtualpiano.net. Ouais, voilà, c'est bon. Ce que j'entends, tu y es déjà. Et puis, Laure va te faire lire une séquence de lettres. D'accord. Que tu vas devoir essayer de mémoriser, puis les jouer sur ton clavier. Merde. Alors, je lui montre attends, ou pas ouais, ouais. Je viens de perdre le site web, là. Ok. Attends. C'est bon. Donc, c'était virtualpiano.net. Bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Je vais m'enlever de devant. Ouais. Donc, je te les mets devant toi, alors. Ouais. Faut voilà, que je lise une à la fois ou je les regarde toutes? Tu vas, en fait, je vais te dire quand commencer. Donc là, on va attaquer sur la numéro 1 et tu vas devoir commencer à jouer dès que je te pose la première question. D'accord. Je joue quoi? Bah, la partition. Mais quand... Ah, c'est avec les lettres. Oui, avec les lettres du clavier. C'est bon, Alan? Et voilà, je la répète, la... Bon. Je la, répète la partition ou je la joue une seule fois? Non, tu joues la 1 jusqu'à ce qu'on passe... D'accord. Jusqu'à ce que je te dise d'enchaîner la 1 et la 2. Ok, très bien. C'est parti? Ouais. C'est parfait. Et puis, donc moi, je vais compter les fausses notes. Ça nous donnera une indication de ta capacité à mener cette tâche. Comment tu vas les compter? Okay. Ok, moi je compte les points sur les questions. Exactement. Okay. Et dans le même temps, Laure va t'interroger. Elle va te faire passer un quiz. De maths. Quiz que Robin nous a déniché. C'est un quiz de sciences et vie junior. Donc a priori, c'est en fait, t'as largement le niveau pour ça. Vous êtes des pervers. Ouais. Et si tu t'en sors bien, au bout d'un moment, on va tenter de te faire une troisième tâche en même temps. Sur les lettres, les majuscules, je dois les jouer aussi en majuscules, c'est ça? Ah oui. Absolument, ouais. D'accord. Ouais, parce que ça augmente la note d'un demi-ton. Ok. Ok, t'es c'est prêt? C'est parti. Toi, j'ai pas besoin de t'écouter, du coup. Qui ça, moi? Ouais. Non, t'as pas besoin de m'écouter. Ok, c'est bon? Ouais. Alors, comment débute la liste des nombres premiers? 1, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 3, 5, 7, 11, 13. 1, 3, 5, 7. C'est bon. Quelle célèbre conjecture a été démontrée par le russe Grigori Perelman en 2004? J'en sais rien. Je vais te proposer trois propositions. Le théorème de Fermat, la conjecture de Poincaré ou la quadrature du cercle? En quelle année? En 2004. Ça doit être le deuxième Poincaré. Ok. Quel est l'autre nom du cube? L'hexaèdre, l'octaèdre ou l'icosaèdre? Oh putain. Ça doit être l'icosaèdre. Ok. Alors maintenant, tu enchaînes la première et la deuxième séquence. La première puis la deuxième, d'accord. Ouais. Oh putain. T'en rajoutes une à chaque fois. Ok. Très bien. C'est parti. Alors, un nénuphar double de surface chaque jour. En 40 jours, il recouvre tout un étang. Au bout de combien de jours le recouvrait-il à moitié? J'ai pas entendu l'énonce. Ok. Un nénuphar double de surface chaque jour. En 40 jours, il recouvre tout un étang. Ah oui. Au bout de combien de jours le recouvrait-il à moitié? 20 jours, 30 jours ou 39 jours? 39. Ok. Parmi ces objets, lequel se rapproche le plus d'une fractale? Une tomate, une pomme de terre ou un chou-fleur? Un chou-fleur. D'où vient le nom de Pi? Je suis désolée, il me fait rire parce que je le vois, c'est horrible. De la première lettre de Pythagore, de la première lettre de Périmètre, ou c'était la première lettre grecque disponible? Quel con. Je pense que c'est la première lettre de Périmètre. Ok. Alors maintenant, tu vas enchaîner avec la troisième séquence. Donc tu la rajoutes aux deux premiers. Je repars au premier, du coup. Ouais. Alors, trois points sont toujours sur la même hémisphère, vrai ou faux? Sur la même hémisphère? Ouais. Je ne comprends pas la question, je vais dire faux. Trois points sont toujours sur la même hémisphère, faux? Ouais, faux, je ne comprends pas la question là. Non, c'est pas bon. Mais on va arrêter là. C'était une vraie torture. Il nous a fait mal au cœur, Nico. Et depuis, c'est marrant, ils fanfaronnent plus tellement sur le multitasking. Ça dépend des tâches. Ouais. Ceci dit, ça lui a pas servi de leçon. Hein. Petit rappel de l'ambiance, 15 jours plus tard, quand il devait nous parler du théorème d'échantillonnage de Shannon, j'ai partagé mes angoisses avec vous en guise d'intro dans l'épisode 134. Souvenez-vous. FreePod. Si un jour vous gérez un podcast de communication scientifique, vous découvrirez vite que les semaines assurées par ces grands distraits que sont les mathématiciens sont de véritables grands huit émotionnels. Alors à force, vous finissez par apprendre à ne plus attendre la dernière minute pour vérifier s'ils n'ont pas par hasard oublié qu'ils devaient présenter un dossier. La semaine dernière, par exemple, j'ai relancé mon ami Tup. « Alors, ton dossier du jeudi 6 juin ?»« Ah, pas le temps, je déménage, je suis littéralement entre deux cartons, je te rappelle. » Ok. Nouvelle tentative durant le week-end. Ah ben non, là non plus, c'est ma start-up qui déménage. Ok, le lundi, vous commencez à trembler. Et maintenant ? Ah ouais, attends, je te rappelle, je suis au téléphone avec 42, ils veulent que j'enlève de mon blog les billets qui concernent leurs épreuves jusqu'à ce qu'elles soient terminées. Et après, je fais l'affiche pour notre soirée radio dessinée du 15 juin, celle que je devais faire il y a un mois. Allez, salut ! Ok, mardi. Non, ce soir je peux pas, je vais voir Villani à la mairie de Paris. Bon, écoute, on annule ton dossier de jeudi. Non, t'inquiète, je gère. Mercredi. Ah ben non, ce soir je peux pas, je finis mon nouvel avatar pour Podcast Suisse. Tu verras, il déchire sa race et je vais assister au décollage d'Ariane 5. Je te rappelle vers 3h du mat. Non, j'aimerais bien dormir un peu aussi de temps en temps. Alors écoute, on annule. Non, rien n'est impossible pour les super-héros. T'inquiète, je gère. Jeudi, aujourd'hui donc, conversation de pause déjeuner. Je voudrais pas te sembler insistant, mon cher Tube, mais ton dossier. J'y songe, mais là, je suis en train de suivre une formation. Et puis d'ailleurs, j'ai un souci dans ma boîte, y a plus rien qui marche. Il faut juste que je reprogramme tout, mais t'inquiète, à 16h, je te dis si je m'en sors ou pas. 16h pétante, on annule ? Attends, je suis encore un peu dans la merde là, mais t'inquiète pas, ça va le faire. Il faut juste que j'arrive à reconfigurer tout le parc informatique de ma boîte, j'y suis presque. D'ailleurs, la formation est passionnante. 18h30. Bon, écoute, avoue que c'est mort, là, quand même. De toute façon, on n'a pas prévu d'émission jeudi prochain à cause du live du samedi suivant, alors on annule pour aujourd'hui et ça fera deux épisodes la semaine prochaine. Les poditeurs seront quand même contents. Non. J'aimerais bien avoir un week-end tranquille avec ma jolie. T'en fais pas, j'ai tout en tête, en 3h chrono, je te prends un dossier béton. Si c'est pas un record, ça... T'es sérieux ? Eh, c'est pas raisonnable. Dans ces moments-là, je devrais juste dire non, c'est ridicule, on reporte. Mais je sais pas, je sens que je peux te faire confiance. Allez, 21h30, accordé, mais pas une minute de plus. À 21h30, évidemment, Nico m'annonçait sur Twitter qu'il était en train de chercher un Vélib en plein Paris. Toujours est-il que là, il est 22h06, en ce 6 juin 2013, vous êtes sur Podcast Science, et ce bougre de Nico Tup a quand même tenu son pari. Il va vous présenter le théorème d'échantillonnage de Shannon. Ouais, totalement authentique, j'ai pas du tout romancé le truc, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Tu nous as quand même pondu un dossier passionnant. Donc après ça, c'était effectivement le live du samedi. C'était une nouvelle soirée radio dessinée qui avait lieu à Lyon, cette fois, dans un café, avec une organisation qui a failli m'achever, mais un résultat absolument génial. Malgré l'intervention de Pierre, qui s'est fait un plaisir à nous raconter les coutumes alimentaires les plus dégueulasses qu'on trouve dans le monde du vivant. Je vous aurais bien mis un extrait, mais là, on est déjà un petit peu en retard. Alors, épisode 136, on a parlé de l'origine des objets mathématiques. Qui n'a jamais trouvé une formule belle ou intrigante ? D'où viennent ces signes presque extraterrestres utilisés presque unanimement en science ? Autant dire que c'est pas un petit sujet que Robin a commencé à attaquer dans cet épisode. Il a répondu en particulier à la création des nombres, à comment on en est venu à utiliser des nombres indiens qu'on appelle les nombres arabes pour représenter les nombres dans le monde entier. Enfin, tout ça, quoi. Donc, un épisode très sympa sur l'origine des objets mathématiques. Ensuite, l'épisode 137, on a parlé de crowd steering avec une interview de la directrice de l'Institut des sciences de l'Université de Genève. Donc, c'est l'occasion de découvrir des choses diverses et variées. On n'est pas sûr et certain de savoir en détail ce qu'on a appris, mais c'était intéressant comme discussion. Enfin, épisode 138. Alors là, en toute franchise, je me souviens absolument pas de la genèse de cet épisode qui s'appelle « Science et sandalettes ». Comment on en est venu à décider de faire un épisode en duo avec Queen Novi, podcast humoristique et suffisamment détendu pour enregistrer en sandalettes ? Bref, on a fini sur une joyeuse émission où le but était de déterminer si une proposition était un Darwin Award, une mort un poil stupide ou un Ig Nobel, une recherche publiée dans une revue à comité de lecture étonnante. Et ben, on va écouter un extrait pour se rendre compte un peu ce que c'était que ce truc. Bon, je vois que j'ai pas réussi à vous convaincre avec une grosse équation qui tâche, donc je vais tenter autre chose. Alors, en 2004, Là, je vous parle d'une étude hyper importante qui est sur le panier de supermarché avec un détritus dedans. Vous êtes déjà arrivé dans cette situation. Il est 20h, mais c'est le seul moment où vous pouvez faire vos courses. Vous entrez dans un supermarché bondé, baissez le regard pour prendre un panier, et là, s'il n'en reste que deux, tous les deux remplis d'un détritus de quelqu'un d'autre. Comment avez-vous l'envie de vous faire ? Heureusement, il existe dans ce bas monde un scientifique qui s'intéresse à ce genre de problème. En fait, pour tout vous dire, ce fameux John W. Trinkos a reçu en 2003 l'Ig Nobel de littérature pour avoir publié plus de 80 études sur des choses qui l'agaçaient profondément. Publié au sein de sa carrière, hein, pas en 2003. Il a publié par exemple une étude des personnes qui portent leur casquette à l'envers, une étude du statut marital des opposants au quiz télévisuel, une étude des gens qui portent des chaussures de sport blanches plutôt que toute autre couleur, une étude des gens qui dépassent le nombre de produits autorisés dans les caisses moins de 10 articles, une observation sur le temps d'attente dans les bureaux des physiciens, et enfin des observations sur le Père Noël. Enfin, plein de petites études sympathiques comme ça. Magnifique. Quelle que soit la jeunesse de cette histoire, je suis vraiment content que. On a appris un sacré nombre de trucs parce qu'on rappelle que les Ig Nobel, c'est souvent issu d'études à comité de lecture, donc de la vraie science, même si c'est bizarre. L'épisode 139, on avait parlé de art et cognition avec Sébastien Dieguez. Donc, c'est un peu récurrent dans Podcast Science. On essaie régulièrement de faire des émissions qui font discuter ensemble art et science. Et cette fois-ci, c'était Sébastien Dieguez qui était venu nous parler du sujet. Alors cet épisode, en plus de ça, c'était surtout l'occasion de répondre au quiz « Il est dangereux de nager parmi les piranhas info ou atox » où on avait reçu aussi pour l'occasion un message en direct de, je crois que c'était La Réunion, mais je sais plus si je me trompe, de la Guyane française, d'une personne qui avait essayé et qui témoignait quasiment les pattes dans l'eau en disant « Non, mais là il y a des piranhas autour de moi, tout va bien ». Voilà, ensuite épisode 140, donc là c'était un compte-rendu de CIGEO qui est une conférence, c'était la fin de la saison 3 avec David qui donc nous a fait un compte-rendu de cette conférence à laquelle il avait participé. C'est une conférence sur les algorithmes évolutionnistes, donc c'était assez sympa, c'est quelque chose qu'on devrait faire plus souvent parce que c'était l'occasion de découvrir à la fois en quoi consiste une conférence scientifique et puis bien sûr de découvrir un peu ce qu'est l'état de l'art dans l'intelligence artificielle. Ensuite on va parler des blogs audio qui est aussi une nouveauté depuis la centième. Bah, au départ, c'était une de ces idées complètement what the fuck de Nico. Je me souviens plus des détails, mais en gros, ça devait être quelque chose comme comme ce qui nous prend le plus de temps, c'est de produire du contenu, tu vois, de vérifier les sources. D'ailleurs, c'est chiant de vérifier les sources. Bon, on est obligé de vérifier les sources. Bah, pourquoi est-ce qu'on piquerait pas du contenu déjà existant, par exemple chez les autres blogueurs de science ? Et hop, c'est win-win, tout le monde est content. Ah bon, parfois j'ai un peu de mal à voir en quoi les bonnes idées de Nico sont des bonnes idées, mais au premier abord en tout cas, mais là ça a tilté tout de suite. Cancre à l'école, comme je vous l'ai dit, abonné au zéro en sciences, moi je me suis fait ma culture scientifique tout seul, comme un grand, dans les transports publics, en faisant du sport, en faisant la vaisselle. Il existe chez les anglophones une vieille tradition du livre audio, qui sont souvent lus par les auteurs eux-mêmes ou par des acteurs, toujours d'une très grande qualité. Et cette formidable technique m'a permis de me rattraper, d'apprendre tout en faisant autre chose. Et j'adore ça. Alors quand Nico m'a parlé de passer en audio des billets de blog, vous pouvez bien l'imaginer, ça m'a parlé. Nico a passé en audio les 3 billets de LJJ qu'il avait lus, et je me suis tapé quasi tout le reste, jusqu'à ce que Jeanne et aujourd'hui Julie prennent la relève. Et j'ai adoré ça. On écoute un extrait de mon billet préféré, c'était le « Pourquoi je kiffe la science » par mon ami Karim Madjer sur son blog « Sweet Random Science ». Malheureusement, quelques années plus tard, épuisé par les insomnies, embourbé dans des problèmes personnels, au bout du rouleau, je sombrais dans la dépression. Malgré le soutien de ma directrice, je laissais tomber ma thèse et achevais de détruire le reste. Back to the Future. Aujourd'hui, après quelques années difficiles, j'ai retrouvé l'enthousiasme du cueilleur de fraises. Grâce, entre autres, à Internet et à une poignée de blogueurs passionnés, j'ai renoué avec ces sensations d'émerveillement, de surprise et de découverte. C'est ce que j'essaie de partager sur mon blog, le côté beau, surprenant et incroyable de la science. Pour moi, les questions qui nourrissent la science viennent de là. Vous trouvez dans la version écrite de mon billet une courte vidéo sur le poulpe qui résume bien ce que j'essaye maladroitement d'exprimer. Pourquoi ne nous montre-t-on pas des trucs comme ça à l'école ? C'est pourtant quelque chose que tout le monde devrait savoir. Il existe dans la nature des animaux tellement extraordinaires qu'ils peuvent se métamorphoser instantanément. Il y a aussi des gorilles qui pleurent et des trous noirs au centre des galaxies. Savoir cela me paraît bien plus important que l'histoire des rois de France. Et pourtant, je suis également pour un enseignement historique de la science. Si on nous expliquait comment et pourquoi les grandes avancées scientifiques ont été possibles, si on nous racontait la science, je suis persuadé qu'elle n'aurait pas cette connotation ennuyeuse. Enfin, la science ne met ni les hommes ni les dieux au centre de toute chose. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas humaine, hein, simplement qu'elle contemple l'univers avec perspective. À l'heure où les gens s'enflamment pour des causes invraisemblables, il me paraît important de montrer les fourmis, les nuages et les fraises aux générations futures, ainsi que la trilogie de Retour vers le futur. Venez d'entendre « Pourquoi je kiffe la science » par Karim Madjer, publié sur son blog sweetrandomscience.blogspot.fr en juin 2013 et interprété par Alan en novembre 2013. Voilà, j'aurais pu choisir un billet de Billy aussi. Je me suis bien éclaté en les passant en audio aussi, Jeanne aussi d'ailleurs. Mais puis là, on a plus le temps de passer un extrait, malheureusement, on est un peu en retard. Surtout un extrait de Billy, c'est toujours trop long. Hein. Ouais. Mais j'ai quand même choisi le billet de Karim car il me permet de vous raconter encore une autre histoire que j'ai pas eu l'occasion de vous dire jusqu'ici. C'est la journée des confessions. Moi aussi, j'aurais pu parler de dépression dans mon billet « Pourquoi je kiffe la science ». J'avais écrit tout un paragraphe d'ailleurs dans mon propre billet que j'ai effacé avant publication parce que je me disais que c'était pas le lieu de faire ma psychanalyse. Où j'ai peut-être juste pas eu le courage de Karim. Aussi surprenant que ça puisse paraître, Podcast Science est né d'une dépression, d'une recherche de sens, d'un besoin pressant de faire quelque chose d'utile. Pour revenir au blog audio, depuis nos débuts glorieux enthousiastes, les blogs audio se sont un peu essoufflés parce que même si le contenu est déjà écrit, bah, ça prend du temps aussi. Alors voilà, je lance un appel. Si vous avez envie de contribuer en prêtant votre voix à un billet de blog scientifique, vous serez accueilli à bras ouverts, non seulement par nous, mais en général aussi par l'auteur du billet. À vos micros. Puis on va balayer maintenant rapidement les épisodes 141 à 145. Donc l'épisode 141 n'était pas vraiment un épisode. C'était plutôt un petit cadeau de notre ami David qui, s'ennuyant durant la pause estivale du podcast, avait jugé bon de diffuser un enregistrement de ce qui se raconte dans les coulisses après le podcast. Alors, les auditeurs qui ne nous suivent pas en live ont eu l'occasion de découvrir les angoisses de Robin, en l'occurrence. Il n'a pas de problème avec sa psychanalyse à l'antenne. J'avoue que ces afters font partie de mes petits plaisirs. C'est un moment vraiment très sympa entre amis où il se dit parfois pas mal de choses intelligentes. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, bah, je vous invite à essayer de venir nous écouter en live parce qu'on continue de broadcaster après quand on papote entre nous. En ce moment, ça a lieu le mardi dès 20h30 sur live.podcastscience.fm et c'est toujours un moment très convivial. La saison 4 a démarré avec un crossover avec notre ami Jonathan de VoyageCast, venu nous parler des liens étroits qu'entretiennent la science et la science-fiction. Sauf erreur, Jonathan est en ce moment en train d'affronter l'hiver canadien. On lui fait un gros bisou. On a parlé d'exploration spatiale après avec Guy Doyen pour l'épisode 143, avant de monter un épisode 144 un petit peu improvisé mais extrêmement sympa sur l'Open Science avec l'équipe de Hacker PhD. L'épisode le plus classe du monde d'ailleurs puisque nous avions notre propre barman. Yann, si tu nous écoutes, un gros bisou aussi. Après un démarrage de saison un peu plus flou que d'habitude et moins cadré que les saisons précédentes, tout est rentré dans l'ordre avec l'épisode 145 où Robin, de main de maître, nous a gentiment exposé le seul contexte dans lequel il accepte qu'on parle d'infiniment petit, en nous faisant rêver comme d'habitude. Et puis, puisqu'on a parlé de cette initiative de David pour l'épisode 141, bah, c'est l'occasion de vous dire un petit mot sur lui. David, c'est bizarre. Je croyais, jusqu'à ce que je prépare tout ça, que c'était la seule personne de la bande que je n'avais pas connue par email interposé. La première fois que je l'ai entendu, c'était en écoutant un épisode de Bazingcast sur Dieu. J'avais bien aimé. Des geeks intelligents qui parlaient de leurs croyances avec humour. Il y avait tout. Il y avait au moins un croyant convaincu et un athée militant. Et pour les autres, je ne me rappelle plus très bien. Il y avait toute la gamme qu'on peut trouver entre deux. Mais j'avais beaucoup apprécié le ton général de la discussion, la subtilité des propos et surtout le respect de tous et la bonne humeur générale. Alors qu'en général, les discussions sur ce genre de sujet ont plutôt tendance à être tendues. Mais alors bien sûr, je n'ai pas retenu qui était qui. D'ailleurs, ils avaient tous des pseudos plus bizarres les uns que les autres que j'avais tendance à mélanger. Je me rappelle plus du tout quand c'était non plus. Par contre, je me rappelle que je faisais un jogging au bord du lac Léman quand j'écoutais. Il faudra que je demande à Clara de me décortiquer le cerveau une fois. C'est intéressant ces liens. Je me rappelle toujours où j'étais quand j'ai entendu un truc. Et donc, j'ai plus entendu parler de David pendant quelques temps jusqu'à ce que je reçoive un pingback de vie artificielle en octobre 2011. Ça va plaire à Robin. Un pingback, donc pour les non-blogueurs et les technophobes, c'est une notification qui vous indique que votre billet de blog a été cité sur un autre blog. Et... bien. Et c'était pas un, mais trois pingbacks, en fait, sur les billets des notes d'émission des épisodes 49, 50 et 51. D'ailleurs, j'offre un petit truc à gagner à qui peut me dire dans les 5 secondes de quel épisode il s'agissait. Non ? Même pas au bout de la table, là ? D'accord. Bon, bah, tant pis pour vous. C'était l'arbre du vivant de Pierre Kerner, justement. Abondamment... abondamment cité comme référence dans le premier épisode d'un nouveau podcast intitulé Vie artificielle d'un certain David Medernach, alias Xil ou Xilrian ou Xilrayan. Je crois qu'il a choisi son Xilrian. Voilà. Il m'avait avoué une fois qu'il avait choisi ce pseudo parce que c'était le plus imprononçable qu'il ait réussi à trouver. Xil, donc, ex-cornemuse de service du podcast Bazingcast, qui venait juste de se lancer dans un projet solo. On n'a pas eu la chance de sympathiser tout de suite parce qu'il a mis 6 semaines à répondre à mon premier message. Il était pris dans des histoires de vie plutôt compliquées. Ce n'était pas du tout le moment de se lancer dans un nouveau projet. Donc, bien sûr, c'est exactement ce qu'il a fait. J'ai juste adoré ce que faisait David dans Vie artificielle et plus tard dans 12 minutes 2, qui durait en général, David oblige, plus près des 30 que des 12 minutes. Enfin, que voulez-vous, il faut bien qu'il finisse sa phrase. Et je crevais d'envie de l'inviter à participer à Podcast Science, mais croyez-le ou non, j'ai pas osé. J'avais peur de le cannibaliser en quelque sorte et que sa participation à Podcast Science l'empêche de traiter de vie artificielle. On a dû en parler une fois avec Nicotu, puis il a dû trouver mes réserves complètement débiles. Je me rappelle plus du détail, mais le scénario me semble vraisemblable. À l'époque, on cherchait des gens aussi. Ouais, c'est vrai. Donc il l'a appelé. Il l'a recruté et hop, David a joyeusement intégré la bande pendant je ne sais même plus combien de temps, 2 ans je crois. Enfin, on a fait un sacré bout de chemin ensemble. Un immense merci à David, pas seulement le podcasteur, mais surtout l'ami, d'avoir fait ce bout de chemin avec nous et longue vie à son nouveau projet, l'exubérant Xilcast, dont il va nous dire un mot lui-même. On l'écoute. Joyeux 200e Podcast Science, j'aurais vraiment aimé être là, mais malheureusement l'aventure n'est pas à la portée de ma bourse cette fois-ci. Alors du coup, je me contente de ce petit message. Bravo et bonjour Julie, Alan, Nico, Robin, Pouillot, Irène, Pascal, et bonjour très chers auditeurs. C'est donc Xil qui vous parle. Et il paraît que vous vous demandez ce que je deviens. Je poursuis toujours ma thèse à Limerick, sous la pluie irlandaise qui ces temps-ci se transforme en grêle ou en neige, mais j'ai trouvé des colocs bien sympas qui m'aident à apprécier davantage le climat local. Sinon, j'alterne entre recherche, un tout petit peu d'enseignement, et conférences scientifiques qui sont par ailleurs autant d'occasions de voyager, un petit peu partout, même au Canada. Et surtout, j'attaque ma presque dernière année de thèse, du coup, je sens aussi la pression monter doucement. Malgré tout, j'essaye de trouver le temps de contribuer un peu à mes différents podcasts audio, vie artificielle, spoiler alert, de temps en temps. Mais surtout, depuis que j'ai quitté l'équipe de Podcast Science, je me suis lancé dans une nouvelle aventure qui me bouffe presque l'intégralité de mon temps libre, la vidéo. Je fais avec plein de déguisements rigolos des chroniques où je présente la vie et les travaux de scientifiques un peu hors normes, comme un psychologue évadé de prison, un mathématicien souhaitant bombarder Kyoto ou un scientifique étudiant la communication des dauphins sous LSD. Ces biographies sont donc assez épiques et me servent de prétexte pour faire de la vulgarisation scientifique sur différents sujets. Ça s'appelle Xilcast, j'espère que c'est à la fois instructif et rigolo. Ça dure entre 10 et 20 minutes et ça se trouve donc sur une chaîne YouTube qui s'appelle Xilcast, comme je l'avais dit avant, X-I-L-C-A-S-T. Voili voilou, bah, c'était l'instant promo. Sur ce, je vous laisse. Bisous à tous. Et gros bisous à l'équipe de Podcast Science. Ciao, ciao. Voilà, il faut juste que j'ajoute qu'il s'est passé un truc incroyable là, pour cette petite bulle audio que David nous a envoyée. Je lui ai demandé de faire un truc de 2 minutes maximum et de me le livrer pour jeudi 16h. Et ça dure 2 minutes pile. Et il me l'a livré genre le mardi précédent. Un truc incroyable, quoi. Comme quoi, c'est possible, Robin. Prends-en de la graine. Ok, on passe aux émissions 146 à 150. Alors, pour l'émission 146, on avait parlé des altersciences. Alors, c'était encore un épisode d'interview basé sur un bouquin. Cette fois-ci, c'est Alan qui a lancé la chose et finalement, c'est moi qui ai lu le bouquin jusqu'au bout. Altersciences, c'est ce nom donné à ces faux scientifiques qui inventent des théories merveilleuses et qui font parfois grand bruit. Mais bon, le plus exceptionnel de cet épisode était de l'enregistrer chez Alexandre Moiti, donc dans une sorte d'un cadre très, très classe, très agréable. C'est sans doute le cadre d'enregistrement le plus classe de l'histoire du podcast, donc ça, c'était sympathique. Il n'y avait pas une petite anecdote sur ce que vous avez bu ? Ah, après, oui, je sais pas si c'est... Vas-y. Non, parce qu'après, en effet, je suis resté chez Alexandre et donc je mangeais chez lui. Et puis là, il allait chercher un truc à boire. Il fait, je suis désolé, j'ai que ça en apportant une bouteille de champagne. Enfin bon, c'était ambiance sympathique, quoi. Et chez Alexandre, l'autre anecdote, c'est que c'était impressionnant parce que c'est un appartement assez grand et où il y a partout des livres, à quel point qu'il y en a aussi partout par terre, empilés, il sait plus où mettre. Voilà, mais en tout cas, c'était passionnant. Je continue parce qu'on est, déjà en retard. Julie est la maîtresse du temps, en plus d'être la prêtresse des coulisses. Épisode 147, on a fait un crossover avec le podcast Tales of the World, qui est un autre podcast du groupement Podcast Suisse. Dans cet épisode, c'est un épisode un peu plus léger. On avait parlé des rapports entre science et politique avec la très sympathique... vas-y, dis son nom, je ne vais pas y arriver. Ruxandra Stoicescu. Voilà. Pour le 148, on avait parlé du frigo. C'était moi qui vous avais fait un épisode. Alors, c'est amusant parce qu'on baigne toujours dans des objets technologiques si performants qu'on ne connaît en fait pas vraiment leur fonctionnement. Et histoire de rattraper le retard, je vous avais présenté un peu comment fonctionnait notre bon vieux frigo, ce gros truc blanc qui produit du froid. Enfin, si vous avez écouté l'épisode, vous savez qu'il ne produit pas du froid, mais qu'il chasse la chaleur plutôt. Pour l'épisode 149, c'était le premier freestyle. Comme Julie va en parler plus tard, je vais pas en dire grand-chose. C'était avec Adam Riggs comme invité, chez qui Alan a été après en Australie, et qui lui a présenté les drop bears australiens. Je ne sais pas prononcer, c'est dur. Oui, c'est bien, bravo. Pour l'épisode 150, enfin, on avait fait un épisode sur le chauffage. C'était Ludovic Perron qui venait nous parler de chauffage domestique. Alors, c'était moins théorique que d'habitude, mais c'était assez intéressant parce qu'on abordait un problème bien concret qui nous concerne tous. Et c'était l'occasion, du coup, d'apprendre pas mal de choses sur comment circule la chasseur chez soi. Ça faisait du bien. Des épisodes un peu plus chauds après le frigo, quoi. Et dans l'intervalle, Podcast Science est devenu une association. Peut-être qu'on pourrait vous dire un petit peu quand même quels ont été les artefacts de notre université d'automne. Alors sachez qu'on s'est constitué en association, donc Podcast Science est désormais une association. Alors regardons un petit peu ce qui va changer, donc pas grand-chose dans un premier temps, mais très rapidement, on va vous donner l'occasion de nous soutenir si vous le souhaitez. Ça pourra se faire sous forme de dons, idéalement récurrents, même des toutes petites sommes, genre 1 ou 2 euros par mois. Ça passe assez inaperçu dans le budget pour vous, mais pour nous, si vous êtes plusieurs centaines à vous engager chaque mois, t'es optimiste, hein, plusieurs centaines, sur un petit quelque chose, ça va nous permettre de rembourser nos frais de déplacement, de matériel, d'hébergement, de diffusion, les livres, les t-shirts, etc., etc. Si vous voulez aider quand même, mais que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas nous donner d'argent, aucun souci. On a besoin de toutes sortes de coups de main, que ce soit pour des retranscriptions, pour nous aider à préparer les émissions, ne serait-ce qu'organiser les contributions qui viennent d'un peu partout, dans le conducteur de l'émission, monter les blogs audio, les sons de la semaine, carrément monter et publier les épisodes, on peut rêver, les promouvoir. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Si jamais vous voulez nous aider, n'hésitez pas à nous contacter, on vous donnera des choses à faire. Ouais, certaines activités bouffent un temps fou, hein. D'autres n'ont l'air de rien, mais à coup de 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, Quand par ailleurs on bosse toute la journée, on a tous un vrai métier à côté de ce qu'on fait, qu'on essaie d'avoir une vie sociale, familiale, qu'on essaie de dormir un petit peu la nuit, bah, l'une dans l'autre, ça prend vite des proportions assez infernales. Du coup, dans le même esprit, absolument tous les coups de main sont vraiment les bienvenus. Il n'y a pas de petites contributions. Tout ce que vous pouvez proposer nous rendra un immense service. Ça nous permettra de nous concentrer sur ce qui fait l'essence du podcast, c'est-à-dire les contenus et les discussions avec vous. Et puis, on a d'autres idées pour faire rentrer des sous, mais rassurez-vous, dans tous les cas, le podcast restera gratuit. Donc, en résumé, c'est essentiellement pour permettre à Podcast Science d'exister sur le plan juridique, de pouvoir signer des contrats, éventuellement avec des sponsors, de pouvoir encaisser des dons qu'on s'est constitués en association. Et puis aussi, quand même, parce que c'était cool de signer de notre sang. C'est une espèce de forme d'engagement entre nous et ça compte. Et on s'est amusé avec les statues parce que quand même, on reste nous, quoi. Alors voilà, voici quelques extraits choisis des statues de notre association. Le siège de l'association est situé sur Internet à l'adresse www.podcastscience.fm. L'association est formée pour une durée infinie. Tout membre peut librement quitter l'association à tout moment sans préavis, à condition de faire un bisou aux autres membres de l'association. Et afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation de projets, l'association peut recevoir des participations financières extérieures, notamment des aides en nature, comme des offres de logement, de déjeuner, de massage, etc. Nico, qui n'a pas pu venir ce soir, a particulièrement précisé qu'il serait très heureux d'avoir quelqu'un qui le masse pendant qu'il est en train de dessiner et de présenter un dossier en même temps. L'organe délibérant est nommé le point fixe. Ouais, alors... Ça, il faut reconnaître que c'est un peu une private joke. Ouais, alors ça, c'était le gros délire. On a quand même passé un week-end avec deux matheux. C'est un miracle qu'on ait survécu. Donc, il nous démontrait toutes les deux minutes qu'en fait, nous étions bien là où nous nous trouvons. C'est ça. Ouais, c'est un peu plus subtil que ça. On va faire un dossier entier sur le point fixe avec Nico. Je le sens assez bien. Non. Voilà. Je reste dictateur de l'association. J'ai dit non. Bon, pour régler les détails, on a une charte. Alors pour le moment, elle ne fait que préciser la liste des mots interdits. Vous allez les entendre d'ailleurs pour la dernière fois sur cette antenne. On compte sur vous pour tirer la sonnette d'alarme à chaque fois que vous entendez une nouvelle occurrence des mots suivants en vrac. Think tank. Innovation. Synergie. Stratégie. Cross-média, transmédia, multimédia, plurimédia, média 2.0. Numérique. Learning center. Brainstorming. Voilà. Donc on compte sur vous. Et impossible aussi. Impossible. Oh, on se donne le droit de le dire. Si. Ouais. C'est autorisé dans les matheux sont impossibles, par exemple. Je pense qu'il faut, il faudrait demander donc d'allonger la liste aussi. Je pense des propositions pour allonger la liste. Et je pense qu'il faudrait aussi proposer des gages, hein, d'ailleurs, pour les gens qui se tromperaient. C'est vrai, on va y réfléchir. Le gage auquel on avait pensé, c'était de se taper des retranscriptions en démission, mais c'est quand même peut-être un petit peu long. Ou, puisqu'on était au bord du lac, dans le lac avec un boulet au pied, les amateurs d'Astérix comprendront. Voilà, c'est ça. On a mangé des fondus aussi, puisqu'on était en Helvétie. Vous aurez compris, tout ça s'est fait dans la bonne humeur, on s'est bien amusé, c'était vraiment très très sympa. Ok, après ça, je dois vous parler des épisodes 151 à 155. Donc, est-ce que les gènes peuvent s'exprimer en dehors d'un corps? On pense par exemple aux barrages que créent les castors, aux nids des oiseaux, aux termitières géantes. C'est le concept du phénotype étendu dont David nous a parlé dans l'épisode 151. Puis Clara est venue nous parler de l'imagerie cérébrale en cassant quelques idées reçues. On est encore tous traumatisés par ces souris Bluetooth. L'épisode 153 était sympa, forcément, c'était un freestyle, le deuxième du genre, avec notre ami Billy pour l'occasion. Souvenir? C'était une fois, je sais plus, c'était parti dans un délire, on faisait un espèce de concours question pour un champion avec mes élèves. Et pour les motiver, je mettais toujours ta mère à la fin d'une question, ce qui donnait des trucs assez bizarres. Par exemple, du genre, je demandais, comment s'appellent les gonades chez ta mère? Et là, t'avais tous les élèves qui disaient, mais moi, madame, je sais, ouais, les ovaires et tout. Et je continuais, et puis des fois ça dérapait, et j'en avais une, je me rappelle bien, j'avais dit « Alors, quelle est la cellule mudée de queue qui a su nager dans l'utérus de ta mère pour composer la moitié de ton génome ?» Et là, t'en as un qui fait « Mouah, madame !» le premier au taquet. Et alors je fais « Bah, ok, Mohamed, je t'écoute. » Et là, il se met à hurler, mais avec un enthousiasme, même sinon, il fait « Ah, poisson. Donc un poisson, selon lui, avait su nager dans l'utérus de sa mère pour composer la moitié de son génome. Autant dire que la classe est partie complètement en vrille. Il y a eu des gens, Momo, la petite sirène, vas-y Momo, ta mère la morue, vas-y Momo, miam, micap. Enfin bon, bref. Et moi, j'étais obligée de garder mon sérieux parce que le pauvre, il venait quand même de s'humilier devant la classe à cause de mon jeu débile. Donc là, j'avoue que j'étais un peu déconfite et j'ai essayé de montrer ni mon désespoir ni mon hilarité, mais j'ai quand même eu un petit peu du mal. Surtout quand il y en a un qui a dit « Ouais, il a confondu sa mère avec la manche » ou je sais pas quoi, tu vois, ce genre de conneries. Donc, c'est quand même assez drôle de travailler dans mon lycée. Mais un peu fatigant, mais très, très drôle. Les épisodes avec Billy, on s'ennuie pas. J'en profite d'ailleurs pour vous dire un petit mot sur Billy, la seule membre de l'équipe qui fasse partie de l'équipe sans le savoir. Billy, je l'adore. Dans un univers parallèle, une instance alternative de moi est amoureuse de cette fille. Elle est belle, intelligente, drôle et surtout, elle a un putain de talent pour écrire. Une telle maturité dans l'écriture que j'ai été limite choqué quand, lors d'une de nos soirées radio dessinées, cette magnifique jeune femme est venue vers moi et m'a dit « Ah, au fait, je suis Billy ». Je vous jure que j'avais imaginé une dame dans la cinquantaine, voire davantage, tant que je ne la connaissais que par son écriture. J'ai dit tout à l'heure que David était le seul membre de l'équipe qui ne se soit pas présenté par email. Je me suis trompé, en fait, Billy non plus. C'était le 22 novembre 2012, environ 2 mois après avoir ouvert son blog. Notre cher Billy a tout simplement squatté le mur Facebook de Podcast Science pour faire sa promo en postant le statut suivant, paracolore pour deux ronds, véritable kit de survie dans la jungle remplie de couillons sauvages. Pardon, c'est Billy quoi. Pourquoi il ne faut pas écouter Marc Lavoine ou comment ne pas nuire à l'évolution? C'est donc moi qui l'ai contacté, non pas pour l'engueuler de sa promo honteuse, juste peut-être dû à la réflexion, mais pour lui demander l'autorisation de passer en audio son billet où elle tape sur Marc Lavoine. Je vais zapper l'extrait parce qu'on est vraiment... Ouais, mais vous pourrez le réécouter en trouvant en ligne. Depuis, on entend Billy un peu tout le temps sur le podcast où elle vient régulièrement nous enguirlander. Billy, on t'adore. Et puis d'ailleurs, scoop de dernière minute, on a retrouvé un enregistrement tout à fait authentique dans lequel Billy rejoint le podcast. Ok, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en aurais quand même une un peu plus globale. Moi, madame. Est-ce que ça te dirait de rejoindre l'équipe de Podcast Science? Vous m'avez invité, bande de bâtards. Avec un enthousiasme, même sinon. T'es officiellement recruté. Mais un peu fatigant, mais très très drôle. Voilà. Bon, on a bien rigolé, mais à un moment, il a quand même fallu éteindre Billy et reprendre une activité normale. C'est donc un dossier à deux voix que nous avons fait pour l'épisode 154 avec Pierre Kerner, où nous avons parlé des rythmes circadiens. J'ai encore appris un nombre de trucs complètement hallucinants. Et pour l'épisode 155, c'est notre ami David Loureiro qui a commencé à nous parler de simulation et de modélisation, mais comme le temps avance et puis que Nico doit nous en dire un mot aussi parce qu'il a fait ça en 2 épisodes, j'en profite pour avancer un petit peu et puis vous dire un mot de Julie. Alors Julie, le 23 octobre 2013, à 13h16 précisément, est un moment super important dans l'histoire du podcast. Je pense en fait que sans en avoir l'air, c'était un moment clé de l'histoire du podcast et qu'on ne serait probablement pas ici en train de célébrer si un certain message d'une certaine Julie n'avait pas atteint notre boîte de réception à ce moment-là. Elle répondait à l'appel que nous avions lancé quelques jours plus tôt, dans l'épisode 147 avec Ruxandra. Le message était intitulé « Coup de main » et nous disait simplement « Salut à tous, suite à l'écoute de votre émission de jeudi dernier, je vous écris pour proposer mon aide. Je peux définitivement faire des petites tâches de 5 minutes. Si ça peut aider, mais je pense avoir un peu plus de temps à vous offrir si ça vous intéresse. Je profite de ce message pour vous dire que le podcast est génial. J'adore, je kiffe la science de manière générale et la plupart du temps, ce que je lis ou écoute est dans un registre plus sérieux. Mais se payer le luxe de rire dans le train en écoutant une émission de science, ça n'a pas de prix. J'espère que vous allez continuer comme ça. À bientôt, Julie. Alors la suite, vous la connaissez. Moi, on m'a toujours reproché d'avoir du mal à déléguer. C'est par contre une qualité qui manque pas du tout à mon successeur, à la tête de la dictature bienveillante de ce podcast. On peut dire que Tup délègue. À tel point que j'ai souvent l'impression que c'est Julie qui fait tenir la baraque. Elle a commencé en faisant les retranscriptions des épisodes, pour lesquels nous n'avions pas encore de contenu écrit, et petit à petit, elle a déployé ses talents de chef de projet, de coordinatrice hors pair au sein de l'équipe. Elle nous relance, elle nous chouchoute, elle fait en sorte que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Elle gère les freestyles, les correspondances avec les auditeurs, avec les invités, les quiz, la newsletter, les notes d'émission, elle pond des dossiers, elle gère les réseaux sociaux. Et en plus, elle arrive à lire les billets du Café des Sciences, elle nous en parle volontiers. Elle nous a rappelé qu'il fallait qu'on soit au bar aujourd'hui, là. Merci Julie. Ah, je veux pas minimiser le taf de Nico, bien sûr, hein, qui est extraordinaire lui aussi, ne serait-ce que se taper tous les montages, tous les week-ends, je peux vous dire que c'est un vrai sacerdoce. À eux deux, ils forment une dream team. Mais comme c'est la minute Julie et pas la minute Tup, il y a eu beaucoup de minutes Tup dans ce podcast, et que je suis totalement conscient que sans elle, le podcast n'existerait plus, je veux dire un immense merci à Julie, et je vous demande une salve d'applaudissements. Alors Julie, maintenant tu dois être super à l'aise pour parler. Merci qui ? Tu t'attendais pas à un traquenard pareil quand tu nous as envoyé ton premier message pour dire que tu avais des dispos à coup de 5 minutes, je pense. Ouais, on écoute ta perspective. Comment t'es arrivée dans le podcast ? Bah alors, si j'ai rejoint l'équipe, en fait, c'est grâce à deux personnes. Et donc, la première, c'est Pierre. Donc, je ne vais pas vous le présenter, je pense que vous savez qui c'est. Et sa chronique du 27 août 2012. Donc, à cette époque, je faisais ma rentrée dans la vie active en tant qu'ingénieur dans le bâtiment. Et Pierre faisait ce jour-là sa rentrée à la tête au carré. Alors, comme la news des vacances était la découverte du boson de Higgs, il a forcément parlé de la semaine spéciale qui lui était consacrée sur Strip Science. Et puis, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais on se retrouve vite sur le site du Café des Sciences. Et là, on trouve un tas de blogs plus passionnants les uns que les autres. Et perso, je suis tout de suite devenue fan. Et donc, je lisais tout le Café des Sciences. Enfin, presque tout. Il y avait 2-3 blogs auxquels je résistais pour une raison toute bête, ils étaient bloqués au boulot. Bah, je vous le donne en mille, Podcast Science faisait partie de cela. Mais quand même, un jour, sur Google Reader, alors oui, c'était encore la belle époque de Google Reader, un article a attiré mon attention. Ça s'appelait « Yaourt, évolution et fondue ». Alors là, j'ai pas pu résister. J'ai forcé les protections du service informatique du boulot et j'ai lu le dossier de notre ami Xavier Durussel. Excellent, bien sûr. Et je me suis dit « Tiens, il faudra que j'écoute leur podcast ». Et donc, le premier épisode que j'ai écouté, c'était « Don't Panic », épisode 113, l'épisode sur la fin du monde, dont je vous ai passé quelques extraits. Et là, bon, bah, bien sûr, on sent le travail, super intéressant, sourcé, etc. Mais surtout, la bonne humeur, les vannes, des gars. Bon, oui, à l'époque, il y avait principalement des gars. Et qui se marrent en faisant leur émission, c'était juste énorme. Et donc j'ai tout écouté jusqu'à cet épisode 147, dont je vous ai aussi passé quelques extraits, enfin on vous a passé, où la sauce a été créée et où vous lanciez un appel pour un coup de main. Et bien sûr, j'ai sauté sur ma boîte mail pour envoyer ma candidature. Bon là, je suis en train de dire un énorme mensonge, parce que même si j'en crevais d'envie, je voyais pas vraiment ce que je pouvais apporter à ce podcast génial, qui tournait parfaitement sans moi. Et c'est là qu'intervient la deuxième personne importante, alors c'est Nico, donc pas Tup, mais mon Nico à moi, qui est intervenu en m'expliquant que j'avais rien à perdre, qu'au pire il me répondrait pas ou me dirait non, mais qu'au mieux je pouvais intégrer une équipe cool, rendre service en faisant un truc qui me plaît. Et donc je l'ai fait, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai écrit des mails pendant toute une journée, puis à un moment j'ai fait envoyer. Une semaine après, Alan me répondait, me proposait un Skype, puis il m'a tout de suite ajouté à la mailing list, je faisais partie de l'équipe quoi. Alors au début j'ai commencé petit, des retranscriptions, des relectures, puis Alan a pris sa retraite, il y a eu un peu plus de choses à faire. Donc là je mens encore, il y a eu carrément plus à faire. Parce qu'il faudra environ 5 personnes qui passent 2 heures par jour pour arriver à faire tout ce que faisait Alan. Mais bon c'est pas grave, on arrive quand même à survivre. Et je vais juste terminer en précisant que bien sûr... Les personnes les plus importantes, à part Pierre et Nico, qui ont fait que j'ai rejoint le podcast, c'est bien sûr Alan, Nico, Robin et David, qui à l'époque formaient l'équipe du podcast. Et en préparant cette émission, j'ai réécouté un tas de trucs et je suis toujours autant admiratif de votre travail. Et même si je fais partie de l'équipe, je reste une grande fan de Podcast Science avant tout. Ah, donc on avait 2 mots à dire sur les dons quand même, parce que c'est partir de ce moment-là aussi, au moment de la création de la sauce, etc., qu'on a commencé à proposer de faire des dons, et où vous avez très largement répondu, que ce soit donc financièrement, humainement, comme on vient de le voir, matériellement, d'un micro à un Minitel, d'une Julie qui permet à l'émission de se faire en temps et en heure, à tout plein de dossiers invités de qualité, et bien sûr, tout plein de dons financiers. Enfin, bref, on a été gâtés. Alors, je ne vais pas citer tout le monde ici et simplement dire merci. On a eu beaucoup de dons de toutes sortes, des gros dons, des petits dons, des dons récurrents qui durent depuis la création, dont certaines personnes sont présentes dans cette salle. Bref, on est gâtés. Et vous vous rendez peut-être pas compte, un peu comme tout ce qui est dans l'arrière-boutique, mais ces dons nous font un vrai petit bol d'air, en fait. C'est tout bête. Ils nous permettent d'acheter du matériel quand on en a besoin. Là, la table de mixage qui est là ce soir, les micros, câbles et cartes SD qu'on a eu besoin à la dernière minute, de ramener des invités merveilleux aux émissions. Bref, de ne plus que se contenter encore un peu plus de faire ce qu'on aime, parler de science. Donc, c'était tout simplement pour dire un gros merci. Je passe au 156 ou t'avais 2 mots ? Non, vas-y. Donc 156, on faisait un freestyle avec les Podcast Science Awards. Donc c'était la période de Noël, le 3e épisode freestyle et on n'avait pas encore d'invité. Heureusement et comme souvent, Alan nous en trouve un de dernière minute, le Père Noël. De mon côté, je propose de lancer un nouveau truc, les Podcast Science Awards, des prix pour récompenser des trucs. Oui, c'était pas plus précis que ça à l'époque et ça l'est pas encore. Heureusement et comme toujours, l'équipe suit et sans doute, c'est sans doute pas l'épisode le plus scientifique, mais on a bien rigolé et je crois qu'on a un petit extrait. Du coup, dans le même ordre d'idée, on va passer au lieu le plus incongru d'où on a reçu un message. Et les nominés sont ? Alors, les nominés sont la Réunion, l'Islande, la Norvège en vélo, Lyon parce qu'ils sont sympas quand même et ils râlent si on les cite pas, ou la Corée du Nord. On n'avait pas reçu un message de la forêt amazonienne aussi ? Si, Si, mais il n'a pas été sélectionné. On a mis Lyon à la place. Lyon à la place de la forêt amazonienne. Tu vois ce que c'est, les dictateurs ? Je vois. Je suppose que c'est un choix dictatorial qui a été fait. Alors, c'est un lauréat qui peut être détrôné parce qu'on n'a pas encore pu le vérifier. Ouais, c'est ça, mais c'est le plus dictatorial quand même des candidats, c'est la Corée du Nord. Voilà, et encore, toujours ravi et surpris de voir qu'il y a des gens qui nous écoutent d'autant d'endroits. Corée du Nord, on n'a toujours pas vérifié. L'épisode suivant, le 157, on a reçu Nicolas Grandjean qui est venu nous parler de LED. Alors, on l'a beaucoup rappelé lors de cette émission, on a eu beaucoup de très bons invités. Et pour cet épisode 157, c'est Nicolas Grandjean qui a encore une fois été passionnant, qui nous a raconté l'histoire de ces petites lumières. Et au vu des retours, on n'a pas été le seul à apprécier. Donc, c'était un épisode très sympathique. Je crois qu'on a un petit extrait. Quand je prends une LED et que j'applique par exemple 3 volts, 2,8 volts, j'ai un électron qui va la traverser et cet électron a une énergie de 2,8 électronvolts. Et si je travaille bien, cet électron va se transformer en photon d'énergie 2,8 électronvolts. Et donc on verra apparaître la lumière bleue. Donc on aura de la lumière bleue avec l'énergie que l'on aura communiquée initialement, donc on aura une perte, sur le papier, on a une perte nulle d'énergie. Donc on a un rendement parfait de conversion d'énergie électrique en énergie lumineuse, en lumière. Je commence à voir l'avantage là. c'est impressionnant. Et du coup, on a un rapport 1:1, en tout cas théoriquement, entre ce qu'on fait entrer, ce qui sort. Alors là, on commence à être dans le cœur, effectivement, de ce qui se passe au cœur de la LED. Tu injectes du courant, des électrons. Ces électrons vont ensuite se convertir en lumière. On verra comment ils se convertissent en lumière. En fait, chaque électron va donner un photon. Quand je dis chaque électron va donner un photon, c'est pas tout à fait vrai. Pour ça, il faut faire un certain nombre de travaux, à la fois sur les matériaux, sur la structure même de la LED. Aujourd'hui, on arrive quasiment à ce que 100, si je parle de rang, on parle de rendement, si j'injecte 100 électrons dans la LED, j'en ai 95 qui vont donner de la lumière. C'est-à-dire que 100 électrons vont me donner 95 photons. Ensuite, pour le 158, on a parlé d'économie. Alors, dans Podcast Science, on ne parle pas assez d'économie. Et cette fois-ci, pour répondre un peu à ça, on a reçu Olivier Simard Casanova. Donc voilà, pour parler d'économie, avec bien sûr, depuis, on l'appelle Olivier Smicard Casanova. Mais bon. Ouais. L'épisode d'après était un épisode important parce qu'il marquait un peu encore un point d'étape. C'était l'épisode 159 des microscopes avec l'arrivée d'Irène et le départ d'Alan. Le départ d'Alan, quoi. Rien que ça. Et le 160, toujours, c'est là où la complétion de la nouvelle équipe, c'est l'épisode sur les exoplanètes avec le premier épisode de Johan qui nous fait un voyage parmi les planètes hors du système solaire. Ah, on va revenir 2 secondes sur l'épisode 159 avec l'arrivée d'Irène que je vais vous raconter un petit peu. 5 jours seulement après le premier message de Julie, on recevait le message de candidature d'Irène. Il devait y avoir un truc dans l'air cette semaine-là. 2 filles d'un coup pour un podcast qui commençait à sentir méchamment la testostérone, c'était juste inespéré. Je résiste pas à l'envie de vous lire le message d'introduction d'Irène, carrément intitulé « Participation ». C'était pas éventuellement peut-être, si vous êtes d'accord. Bonjour, j'aime beaucoup votre émission et vos motivations. Je suis française exilée aux US depuis 20 ans. J'ai 48 ans, biologiste de formation, marié à un physicien. Bref, j'adore les sciences. Je fais beaucoup de formations dans mon métier, nanotechnologie, mais je m'intéresse aussi beaucoup à la psychologie et à la littérature. Irène, quoi, droit à l'essentiel, tout de suite. Et le message s'arrêtait pas là. Tout ça pour dire que j'adorerais participer activement à votre émission avec des dossiers à présenter. J'ai déjà plein d'idées en tête, avec comme prérequis de présenter des sujets qui recoupent plusieurs disciplines. Par exemple, les preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Je suis athée, mais je trouve fascinant le besoin de Dieu. L'histoire des microscopies, l'ADN, la physiologie cellulaire. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis très têtu, motivé et l'habitude de parler en public ou sur les ondes. J'étais un peu perplexe quant aux preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Quand je lui en ai parlé un peu plus tard, elle m'a simplement dit « Bah ouais, il n'y en a pas, quoi, ça va être vite fait. » Fixer le premier rendez-vous sur Skype a été un peu compliqué aussi. Irène, elle partait au Brésil le lendemain, et puis elle passait la semaine suivante dans le Nebraska. On a quand même réussi à fixer un rendez-vous 10 jours plus tard. Tup, Robin et David, l'équipe à l'époque, étaient là aussi. Et je me souviens plus trop ce qu'on s'est raconté exactement, mais je me souviens qu'on a bien rigolé. On lui a expliqué les modalités pour son premier dossier, avec peer reviewing et tout, qu'elle a livré en avance. Je vous dis pas le changement et le soulagement. On a convenu de la date pour son premier live. Et ce qu'elle ne savait pas, c'était que tandis qu'elle arrivait à la fin de son dossier, nous complotions entre nous dans le chat de Skype pour décider si on allait lui proposer d'intégrer l'équipe. Ce que nous avons fait à la fin de son excellente présentation sur les microscopes. Et j'adore sa réaction spontanée. Souvenez-vous, là, il n'y a rien de trafiqué, c'est l'enregistrement tel quel. Ok, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en aurais quand même une un peu plus globale. Est-ce que ça te dirait de rejoindre l'équipe de Podcast Science ? Oh, j'adorerais. Bon, bah deal. Ah, c'est super, t'es, merci. T'es beaucoup. Officiellement recruté. Yeah ! Lucky me, merci beaucoup. Mais merci c'est à toi. C'est un grand honneur. Merci à toi, des dossiers comme ça, on en veut souvent. Moi, je suis vraiment contente, merci. Voilà, ça c'était pour le son de cloche des anciens. Juste avant d'entendre la perspective d'Irène, juste encore une bricole. Sachez qu'elle est descendue de l'avion tout à l'heure, elle arrive tout droit de Californie. Donc là, ça doit être quoi, 6h du matin pour toi, quelque chose comme ça. Et on est juste quelques jours après son anniversaire. bon anniversaire, Irène. Merci. Et puis alors, toi, tu peux nous raconter ta perspective ? Comment ça se fait que tu as atterri dans Podcast Science ? Déjà, je voudrais dire, je donne souvent des conférences publiques, et j'ai assez l'habitude, mais là, j'ai le cœur qui bat, en fait. Alors, ça s'est passé, comme tu l'as dit, en fait. C'est moi qui me suis jetée dans la gueule du loup, en fait. Personne n'est venu me chercher. On peut dire ça. En fait, c'est vrai qu'en tant qu'exilée aux États-Unis, et c'est vrai que j'ai toujours aimé la science, je voulais écouter des podcasts sur la science. À l'origine, c'était plutôt les neurosciences qui m'intéressaient, mais bon, je suis tombée dessus par hasard, vraiment. Hein. En cherchant sur Internet des podcasts, je suis tombée sur Podcast Science et j'en ai écouté. Je crois que le premier que j'ai écouté, c'était celui sur les LED, effectivement, et il m'avait beaucoup plu. Hein. Et donc, la formule me plaisait bien. Et c'est vrai que vous n'arrêtiez pas à l'époque de demander de l'aide, en fait. au secours, m'aider. Et puis j'étais dans un peu une vague aussi, peut-être dans ma vie aussi un peu en creux, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Et donc c'est bien tombé, et j'ai effectivement écrit cet email à Alan. C'était rigolo, ils m'ont bien chambré pendant l'interview en me disant mais ça veut dire quoi que t'es têtu, on n'aime pas trop têtu nous. Et je me suis dit ouais non mais c'est pas le bon mot, je suis désolée, c'est vrai je suis... et en fait Alan m'a répondu tout de suite, hein, et c'était ça m'a surprise, hein, et je me disais dans ma tête oulala mais je me lance dans une aventure, c'est un peu en dehors de mon, comment on dit en français, ma zone de confort en fait, hein, et donc Alan m'a répondu et j'étais bien contente, c'est vrai, et il m'a donné rendez-vous sur Skype avec il y avait Nico, il y avait Alan, il y avait Robin, et j'étais un peu gênée quand même, j'étais pas trop à l'aise, hein. Mais ça c'est, apparemment ça s'est bien passé, hein. Et voilà, et donc après j'ai présenté mon premier dossier et on a continué comme ça l'aventure. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup je suis bien émue là. je voulais dire autre chose, je sais plus quoi. Si ça te revient, on reviendra dessus. Ouais. Non, mais c'est vrai que depuis, c'était une aventure formidable et je suis vraiment très, très fière de faire partie de l'équipe. Et c'est vrai que j'en parle souvent aux États-Unis. Oh, je fais des podcasts et chaque fois, mes copains, mes copines là-bas, ils me disent ah, mais on veut écouter. Et je leur dis ah, mais c'est en français. Et c'est bien dommage pour eux. Voilà. Merci encore. Et merci à tout le monde. On est vraiment heureux de t'avoir. L'épisode 161 était un dossier de contributeur d'un confrère du Café des Sciences, c'était Vincent Judis, auteur du blog Science Dessus Dessous et papa de Qui dit Science, qui nous a parlé de l'ADN en réhabilitant la mémoire de la pauvre Rosalind Franklin, grande oubliée du prix Nobel pour cette découverte extraordinaire dont on n'a pas fini d'explorer les retombées. Pour l'épisode 162, c'est Billy qui squatte à nouveau les studios pour nous parler de sexe en brandissant le teaser le plus sexy de l'histoire du podcast. Allez, on va pas zapper toutes les références à Billy, on l'écoute. À ceux qui me diront que le sexe, soit on en parle, soit on pratique, je leur répondrai qu'ils n'ont peut-être pas tort. C'est d'ailleurs peut-être pas une coïncidence si Alan il a décidé de démissionner de Podcast Science juste à l'annonce du sujet de mon dossier, peut-être par peur de trop en dire. On le comprend et on lui souhaite bonne résidence en entreprise. Pour les autres, je vous propose en cette veille de Saint-Valentin, nous interroger sur le bénéfice du sexe dans l'histoire du vivant. Qu'est-ce que le sexe? Combien coûte-t-il? Bon, au niveau évolutif, bien sûr, hein, je ne parle pas ici des tarifs qui sont pratiqués au bois. Est-ce que le sexe vaut-il le coup par rapport à la reproduction asexuée? Tout, vous serez tous sur le sexe en écoutant Podcast Science. Alors rendez-vous mercredi 12 février à 20h30. Bisous! L'épisode suivant, le 163, était un freestyle entre matheux, puisque nous recevions LJJ, auteur du génial blog Chou Romanesco, Vache Kiri et Intégrale Curviligne. Je ne l'ai pas écorché pour une fois. L'essentiel de cette émission résidait cependant dans le quiz qui était le suivant. On peut sauver des vies par simple transplantation de matière fécale d'un individu à l'autre, info ou intox. Et c'était une info. Je dis ça, je dis rien. Enfin, l'épisode 164 était porté par Irène, qui ouvrait une série sur les hormones. Pauvre Irène, à qui j'ai passé un savon, parce que j'étais pas content du dossier. J'aurais mieux fait de me taire, en plus. J'étais censé avoir démissionné. Dossier qui, par ailleurs, fut encensé par les commentaires. Comme quoi, on dit tous des conneries, surtout moi. Toutes mes excuses, Irène. Julie, tu nous dis un mot des freestyles ? Ouais, alors, rapidement. Comment ça a évolué au cours du temps, mais on va déjà écouter Alan, Robin et David nous décrire quels étaient les objectifs au départ. Il y aura d'autres petits changements dans la formule. On va mieux séparer les dossiers des autres rubriques à partir de maintenant. En gros, on aura désormais 3 épisodes par mois qui ne contiendront que des dossiers ou des interviews et quelques bricoles. Et un épisode un peu plus freestyle où on parlera de tout et de rien, des quiz, des contributions non liées au dossier de la semaine précédente, des débats philosophiques, des échanges avec vous, éventuellement une revue de presse si David est en forme. Donc pour la fréquence, on y est presque. Donc on fait un freestyle plutôt toutes les 6 semaines, mais entre les dossiers de l'équipe, les invités, les interviews, c'est pas évident de tenir la fréquence d'un par mois. Pour le contenu, on y est tout à fait. On a même ajouté les interviews. J'étais pas là au moment de la décision, mais je suis pas sûre qu'il était prévu d'avoir systématiquement un invité. On n'a jamais parlé d'invité pour les freestyles. Premier freestyle, Alan qui sentait que c'était pas assez a dit « Ouais, mais au fait, je ramène un invité. Ah, puis j'ai fait un blog audio. Ah, et puis j'ai rajouté ça. » Sinon, je m'en vais. Et sinon, on sera une émission légère. Ouais, c'est ça. C'est les plus longues, non ? Ça a commencé avec Adam Rix et chaque freestyle a eu sa mini-interview de démarrage. Il y a eu Billy, qui à l'époque n'était encore qu'une invitée. Le Père Noël, à l'occasion des Podcast Science Awards. LJJ, bon, c'est pas la peine que je le présente. Nicolas Revoy, du Journal de la Science. Pascal Lapointe, de l'agence Science Presse. Pouillot, qu'on présentera plus tard. Sébastien Carassou du collectif Conscience, Damien Jugnot de notre communauté Google+, Marie du Globe Server qui est présente aujourd'hui, Alicia qui devait être là aussi, et puis bon, même si Alicia, pour être parfaitement honnête, c'était pour après la 200e, mais bon, peu importe. Il faut savoir que pour organiser ces interviews, on n'est pas toujours hyper en avance. Je crois que c'est Pascal Lapointe qui a accepté de participer moins d'une semaine avant, sachant qu'il est au Canada et qu'on lui demandait d'être là un jeudi en plein milieu de la journée. c'est ça. depuis la rentrée de septembre, on a étoffé. Robin nous propose à chaque freestyle sa rubrique fail, où il nous présente des scientifiques qui se sont plantés dans plein de domaines, même les maths. Et il prépare bien sa chronique. On essaie de vous proposer des blogs audio, des quiz du mois réguliers, mais il faut avouer que là-dessus, ça pêche un peu. La grosse partie du freestyle, ça reste les messages d'auditeurs. C'est certainement le plus long à préparer, ce qui prend le plus de temps pendant l'émission, mais pour moi, c'est aussi ce qui fait le charme du podcast. On est proche de notre public, et puis c'est toujours l'occasion de servir la science dans la joie. Je voudrais juste qu'on repasse la parole à Pierre Kerner, qui devait s'y attendre un peu cette fois, je suis sûr, pour qu'il nous raconte un peu ce qui a été dessiné au bout de la table. Ça va faire du pub pour Strip Science. Oui, donc grâce aux membres de Strip Science, aujourd'hui... qui sont venus parce qu'ils sont agrégés sur Strip Science, parce que leurs travaux sont merveilleux et c'est pour ça qu'ils ont leur place sur Strip Science. Donc, alors je découvre en même temps les dessins. La jeunesse de science est sandalette. Non, ça je ne vois pas. Je ne peux... Quoi ? Hein ? Je peux quand pas... Quoi ? Quand même pas leur raconter ça. Et oui, ça montre en effet Nicotube qui était complètement bourré. Ça y est, j'ai compris. Alors, ensuite, j'apprends du vocabulaire avec Podcast Science. Il y a des petits-enfants qui demandent « Comme quoi, du vocabulaire scientifique ?» Non, comment on dit quand, quand un post a été posté sur un autre site ? Ah, on se disait aussi. Voilà. Aller dessiner au post 4, c'est bien, mais on voit la tête des gens en vrai. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je ne sais pas qui a été dessiné. Je n'ose pas savoir. Après l'émission, j'ai un petit service à te demander. C'était pour ça, tous ces compliments. Donc ça, c'est une spéciale dédicace, j'imagine, pour Julie. Et enfin, je suis super ému. Un dessin donc, d'Irène, qui était très, très ému pendant sa petite présentation. Donc, vous pourrez découvrir. Là, je suis en train de les tweeter en live. Et donc, j'essaierai de les agréger sur Strip Science, bien entendu. Ça, c'est le premier dessin ? Ouais, d'accord. Ok, alors pourquoi passer de l'étude de la vie artificielle au podcast ? Justement pour que le podcast vive par lui-même, en effet, c'est une bonne idée. Association Podcast Science, pour une durée infinie, oui, mais c'est l'infiniment petit ou grand ? Spécial dédicace. Donc ça, c'était Pouillot. C'est pas fini. Et il y en a un qui est en cours, donc on l'éteira plus tard. Il y a un tonnerre d'applaudissements pour nos dessinateurs. Ok, donc on est reparti pour les émissions 166 à 170, enfin 165 à 170. 170. Donc, pour l'émission 165, on a parlé de classification des sciences, comment classer les sciences, qui n'est pas un sujet simple. Et en fait, c'était tellement compliqué que ce fut l'objet d'un long débat, pas forcément très clair, et je pense qu'on n'a pas vraiment trouvé la solution, mais bon, on a tenté. L'épisode 166, c'était le deuxième partie de l'épisode modélisation que m'a renvoyé Alan à expliquer par David Loureiro. Donc, la croisade de David Loureiro était de nous raconter comment les ingénieurs modélisent le réel. Donc, c'était des sciences un peu plus appliquées que ce qu'on raconte d'habitude et qui sont tout aussi intéressantes parce que c'est comme ça que fonctionnent la plupart des choses qu'on a autour de nous et comment sont modélisées plein de choses dont la météo, par exemple, des trucs comme ça. Épisode 167, c'est un freestyle avec Nicolas Revoix pour du Journal de la Science. On en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir. 168, ça va être très court aussi. C'était un épisode sur le chaos fait par Robin. Je ne sais pas s'il y a grand-chose de plus à dire. Ça dit tout. 169, c'était un épisode très intéressant et qui nous a valu beaucoup de retours sur les OGM. Une grande question, est-il possible de parler des OGM sans polémiquer ? Et je crois qu'on a réussi à pas mal le faire dans cet épisode, grâce à Alan, bien sûr, et surtout notre invité Marc Robinson-Réchavi. Il y a eu aussi une petite suite à cet épisode, dans un épisode après, une sorte de droit de réponse, mais c'est vraiment cet épisode qui est très intéressant, où on a eu une présentation un peu plus objective des OGM. Et enfin le 170, retour de l'ASF, donc c'était un deuxième volet de l'épisode science et fiction avec ce Jonathan de VoyageCast et Marie qui faisait un peu suite au premier épisode de début de saison sur le sujet. Et l'heure est venue de parler un petit peu de Pouillot. Pouillot, alors Pouillot, on t'a vu arriver dans la chatroom le 12 décembre 2013. C'était à l'occasion de l'épisode 155 Tu simules de David Loureiro. Et si je dis pas de bêtises, c'était la première fois qu'on te voyait dans la chatroom. Donc tu nous as dit, alors je cite, hein, je me demandais, est-ce qu'il est possible de proposer des dessins pendant le live, sachant qu'il y a peut-être Nico pour proposer plein de choses, si ça vous tente. Hein. Et alors là, véridique, je vous jure, Robin t'a répondu, Pouillot, est-ce que tu as un compte Twitter ? Attendez, c'est pas fini. Si tu fais des dessins, hashtag PS155 et ça apparaîtra dans la chatroom. Ah oui, je vois. Pouillot répond, oh super, je tape, hashtag PS155, avant l'adresse de l'image, c'est mon premier live, j'y ai pas l'habitude. Et Robin qui répond, sinon tu l'envoies en PJ par mail à PS155@cherrypeak.com. Et donc c'est à partir de ce moment que tu as été avec nous, quasiment à tous les lives. En février 2014, tu nous as refait le portrait de toute l'équipe, les anciens et les nouveaux. Tu illustres les dossiers quand tu les as à l'avance. Faut reconnaître que ça arrive pas si souvent que ça. Tous les teasers, la newsletter. Bref, t'es notre dessinateur officiel et je pense qu'on est tous fans de ce que tu fais pour nous. Encore merci. Alors, un peu plus loin, il y a un message complémentaire de Robin qui dit « Pour ceux qui admireraient mes progrès, je ne suis que le secrétaire d'Alan. » Et peut-être rajouter un truc sur Pouillot, c'est quand il arrive dans la chatroom, il fait « Est-ce que je peux dessiner tout ?» Et nous, on s'attendait un peu comme ce que je faisais à l'époque, des dessins faits très rapidement, pris en photo et puis un peu à l'arrache avec une mauvaise ombre et tout. Et là, on atterrit avec des dessins hyper pro à tel point qu'on se dit « Non, mais t'as préparé ça depuis 2 semaines. » Genre, et même encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui croient que c'est pas fait en direct, les dessins de Pouillot, quoi. Donc bah, Pouillot, la parole est à toi. Je suis assez ému, mais c'était marrant cet épisode où j'étais arrivé parce que justement j'avais l'habitude de voir que Nico t'intervenait et je crois que cet épisode-là justement c'était un des épisodes où il n'y avait vraiment aucun dessin de prévu et c'était vraiment prévu pour être sans illustration. Et puis moi je suivais le podcast Science depuis un sacré bout de temps, mais en écoute à côté, et j'avais refait l'écoute de tous les épisodes parce que j'étais un peu perfectionniste, j'avais beaucoup accroché mais je voulais tout réécouter, donc j'ai repris et puis ça arrivait à peu près au moment où j'avais fait à peu près le bon compte et voilà, donc c'était vraiment très bien tombé et puis ben je suis content que ça te plaise parce que c'est bon, bah voilà, je fais ma touche personnelle, mais voilà. Ouais, quand tu dis que ça te plaise, ça plaît vraiment à tout le monde. Oui, oui, à voilà. Toute l'équipe, aux auditeurs. Et puis, je souligne l'intervention d'Inti, qui fait aussi des dessins magnifiques quand il passe. Ah, voilà, mais je dis en passant, mais voilà. Et bah, j'en profite juste, je vais faire court parce que, pour le timing, mais je vais en profiter pour révéler une exclue. Quand j'ai fait vos avatars, eh ben, je vous ai mis un masque. Et il y a une question qui était arrivée, mais pourquoi est-ce que tu leur as fait un masque? Et donc, je n'ai jamais donné de réponse très très claire là-dessus. Et en fait, tout simplement parce qu'à l'origine, quand je m'étais mis en route pour faire des avatars, je me suis dit, tiens, il faudrait faire un slogan. Et donc, du coup, j'avais trouvé comme slogan « Podcast Science, super conducteur de savoir ». Je me suis dit, waouh, ça fait comme le super-héros. Et donc du coup je vous ai tous fait un masque, voilà, tout simplement. Et donc du coup c'est resté comme ça. Et mais finalement je trouve que ça colle bien parce que vous faites tous un super travail, voilà. Merci. Alors on enchaîne. Ouais, on enchaîne, Julie. On passe aux épisodes de 171 à 175. Yeah. C'est de la lèche. Donc pour l'épisode 171, Joanne, après nous avoir parlé des planètes, est venue nous expliquer comment fonctionnent les télescopes. Dossier passionnant et à la suite duquel Joanne a rejoint officiellement l'équipe. On va en reparler dans quelques instants. L'épisode 172, sixième freestyle, pendant lequel on avait reçu donc, Pascal Lapointe au Débeauté. Rédacteur en chef de l'agence Science Presse. Et après avoir repoussé 2 fois, Nico nous a enfin parlé d'Hilbert au cours de l'épisode 173. On a ensuite reçu Sylvie Tissot pour le 174 qui nous a expliqué énormément de choses sur les ordinateurs quantiques, un des dossiers les plus écoutés du podcast, si je ne me trompe pas. Et enfin, last but not least, épisode 175, un dossier culte de Billy sur le Dallas de la génétique. On pourrait encore passer le teaser. Donc on va dire 2 mots sur la présentation de Johan, donc comment il est apparu, pourquoi, tout ça. Ça fait partie aussi des gens pas rencontrés par mail la première fois, mais pas par Alan. Parce que donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait ma thèse au CNES, et quand on est en thèse au CNES, chaque année, les jeunes doctorants présentent leurs travaux devant les autres. Et à cette occasion, moi j'ai eu la chance en tant que vieux vétéran, encore une fois, d'aller raconter, d'aller voir les jeunes thésards. Et donc j'ai pu écouter les travaux des jeunes chercheurs du CNES. Alors, un chercheur en toute franchise, c'est quelqu'un qui souvent communique assez mal ses travaux. Et pourtant, là, sur scène, j'ai vu un certain Johan parler d'exoplanètes. Et l'exercice n'était pas vraiment simple parce qu'il n'était pas en train de faire un dossier de podcast science choisi avec amour. Il était en train de présenter ses travaux de thèse, c'est-à-dire des trucs où il ne comprenait pas encore tout et où il essayait justement, enfin, il était vraiment le nez dedans. Et pourtant, j'étais en train de voyager, de partir sur d'autres mondes, de comprendre ce truc qui m'intéresse un poil plus que Robin, mais pas tant que ça non plus, qui est la cosmologie. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est certain, il nous le faut dans le podcast. Donc, ni une ni deux, à la fin de l'exposé, je l'attrape très rapidement, je lui parle du podcast d'une manière assez incompréhensible, surtout par bon réflexe, appris avec Alan ou avec mon associé ou quoi que ce soit, je prends son adresse email. Parce que sinon, je savais que ça allait tomber à l'eau. Et finalement, plusieurs mois plus tard, il vient nous parler d'Exoplanète. Et une fois sa tête en poche, il accepte de rejoindre l'équipe et il fait partie des expatriés de Podcast Science parce que maintenant, il est depuis les États-Unis et c'est pour ça qu'il ne peut pas être là ce soir. Alors attends, c'est Baltimore. Ça va, c'est juste Irène, c'est un nom de série, donc c'est Miami, c'est ça, Miami Vice. Donc ça, c'était la perspective nicotupienne. Il y a toujours deux facettes à la même histoire. On écoute la version de Johan. Mon arrivée à Podcast Science, par Johan. En octobre 2013, je participe à une conférence pour les doctorants de l'Agence spatiale française, le CNES. On doit faire un joli poster pour expliquer à tous les autres doctorants présents notre sujet. Le public est assez large, puisque les sujets de poster vont de « Études de la coopération franco-soviétique du point de vue de l'histoire et de la sociologie des sciences » à « Une approche proto-omique pour la compréhension des mécanismes d'atrophie ou de préservation musculaire en période d'inactivité physique pendant l'hibernation de l'ours brun, Ursus arctos », en passant par « Analyseur coronographique de surface d'onde pour les futures missions spatiales d'imagerie directe et de spectroscopie des exoplanètes ». Je vous laisse deviner quel est le mien. À la fin des trois jours de conférence, juste avant la remise des prix, les ressources humaines du CNES nous organisent une table ronde intitulée « Réseau professionnel, mode ou opportunité ». Les intervenants sont des gens importants, ingénieurs, en costume cravate, qui nous montrent sur des graphes sérieux qu'il faut avoir des amis sur LinkedIn. Puis il y a le mec qui a lancé sa start-up. Dans une table ronde avec des ingénieurs, il y a toujours un mec qui a lancé sa start-up. Généralement, il est en t-shirt, parce que comme il n'a pas la sécurité de l'emploi, il faut qu'il montre que son métier est quand même vachement plus cool que les autres. Sauf que celui-là, il a un t-shirt où il y a marqué « Podcast Science » et les intervenants n'arrivent pas vraiment à lui faire parler de sa start-up parce qu'il revient toujours sur sa radio, enfin son podcast comme il dit, où on a l'air bien s'amuser tout de même. Bon, et puis juste après, je suis reçu pour le prix du meilleur poster de présentation de mon sujet. Juste pour vous dire que je partais pas non plus favori, je vous rappelle le titre « Analyseur coronographique de surface d'onde pour les futures missions spatiales d'imagerie directe et de spectroscopie des exoplanètes ». Et là, la personne qui anime la remise, le directeur du CNES Toulouse, me demande de résumer mon poster en 30 secondes. Comme l'intégralité de la salle, sauf lui et les personnes importantes qui ne sont venues que pour la table ronde, a suivi toute la conférence, dont ma présentation en mon poster, je me dis que c'est quand même un peu con de répéter tout ça. J'ignore la question du mec et je fais une petite bafouille aux gens présents pour leur dire que si j'ai gagné, c'est surtout parce que j'aime bien transmettre ma recherche et que la vulgarisation, c'est super et même nécessaire pour tout chercheur ou ingénieur. À la fin de la conf, Nico, car vous l'avez deviné, le mec au t-shirt, c'était lui, me prend à part et me dit « Ça te dit de venir parler de ton sujet sur Podcast Science ?» Et il faut quand même avouer que c'était un pari risqué. Parce que la seule chose qu'il connaissait de mon sujet à ce moment-là, c'était « Analyseur coronographique de surface d'onde pour les futures missions spatiales d'imagerie directe et de spectroscopie des exoplanètes. » Pour conclure, sachez que j'aurais vraiment aimé être avec vous aujourd'hui. Bonne 200e, amusez-vous bien, et que servir la science soit votre joie. Alors on passe aux épisodes 176 à 180, donc ça commence par un dossier de Robin, maths et musique, épisode 176, qui d'après lui était peu préparé, mais malgré cela passionnant et pour lequel on a reçu une tonne de courriers des lecteurs satisfaits. On a ensuite reçu Nima pour une première interview qui portait sur les vaccins, premier sujet polémique traité par lui. Et ensuite nouveau freestyle, cette fois-ci avec Pouillot, notre star que maintenant vous connaissez tous. L'occasion également de diffuser la réponse, le droit de réponse de Martial de Montmolin sur les OGM. Pour l'épisode 179, un invité qui fait un dossier, LJJ nous parle de la topologie. Pour terminer, une après-midi radio dessinée, podcast Science Ouverte, et je laisse Robin vous présenter ce qui s'est passé. Malgré mes convictions politiques, je travaille dans un palais, à côté des Champs-Élysées, au milieu des mamies en fourrure et des restaurants au menu sur le pouce à 100 €. Bon, évidemment, on reçoit des élèves et même du public d'un peu partout, mais quand même, ça choque un petit peu. Quand j'ai entendu parler de l'association Science Ouverte, que j'ai rencontré François, son fondateur, je me suis dit que j'avais peut-être un rôle à jouer là-dedans, que peut-être c'était quand même important d'avoir un lien avec des endroits où, globalement, si on résume, personne n'a envie d'aller. à part, enfin non, pas à part, les profs qui y sont, y vont parce qu'ils n'ont pas le choix, et globalement, sinon, personne n'y va. François est quelqu'un de particulier puisqu'il s'est installé là-bas de lui-même alors qu'il est polytechnicien, prof agrégé de mathématiques. C'est un choix délibéré, il a vécu, il vit depuis 30 ans à Drancy, qui n'est pas spécialement la ville la plus riante de la région parisienne. J'ai pas dit, hein ? Là-bas, c'est Drancy, là, dans la Seine-Saint-Denis, voilà. Dans le 93. Dans le 93, tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas la région parisienne, le 93 est censé être le département le plus pourri d'Île-de-France. Donc, je rappelle, je ferai jamais assez la pub de cette association. L'objectif de cette association, le constat de départ, c'est de dire les gens qui sont sur place, dès qu'ils ont les moyens humains, financiers, intellectuels de se barrer, ils se barrent parce qu'ils se disent « si je veux m'en sortir, je ne peux pas m'en sortir en restant sur place ». Et l'association dit « eh ben, du coup, c'est toujours pourri sur place, donc il faut qu'on fasse en sorte que sur place, ça ne soit pas pourri et que les gens qui veulent s'en sortir puissent le faire en restant sur place ». Ce qui est un objectif que je trouve assez sympathique. Donc je fais le lien entre les deux. Le fait de travailler aux deux, ça me permet de faire venir les groupes de l'association au palais de la découverte au milieu des mamies en fourrure. Et je pense que c'est très sain. Entre autres activités, l'association organise un stage tous les ans en juin des jeunes de 15 ans qui veulent passer en première scientifique, viennent passer 15 jours au lieu d'être en vacances pour faire des sciences. Ce qui est relativement surprenant pour les gens qui ne connaissent pas les jeunes de Seine-Saint-Denis et qui se disent que ce ne sont que des petits délinquants qui ne pensent qu'à se droguer et à voler, etc. etc. Bon, donc je vais au stage plusieurs fois et je me dis faut faire un truc, tiens, podcast science, faut faire un truc, vachement bien, ça les mettra en valeur et puis eux ils seront contents de le faire et puis ça sera très bien. J'y vais une première fois, j'enregistre des choses et je passe un an à essayer de monter et je monte pas. Donc j'ai des sons toujours enregistrés sur mon ordinateur dont je n'ai rien fait. Et puis j'en parle à l'équipe du podcast en disant timidement, est-ce que vous pensez que peut-être éventuellement on pourrait, je sais pas, enfin bon c'est la Seine-Saint-Denis mais vous savez quand même c'est important tout ça. Retour enthousiaste de l'équipe qui dit bah oui bien sûr on y va, il n'y a pas de problème. T'as qu'à contacter Topo pour qu'il en parle aux dessinateurs. Ouais carrément, vas-y. Et des dessinateurs viennent et tout le monde est enthousiaste. Et je suis émerveillé et ça peut se faire. Alors par contre, du coup, je suis l'organisateur. Ouais. Bon, alors en même temps, je m'affole pas. Je me dis, bon, c'est pas compliqué. Le contenu, de toute façon, l'idée, c'est que les élèves présentent leur sujet de recherche. Donc le contenu, c'est eux. Qu'est-ce qu'il y a finalement à voir? Les aspects techniques, les aspects techniques, j'y connais rien. Donc je branche Alan et Nico avec Julien de l'association qui voit avec l'université. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. De toute façon, je saurais même pas poser les questions. Voilà, j'ai juste à être là, à être en forme pour essayer de comprendre les sujets qu'ils vont présenter, et puis à faire le présentateur, et puis voilà, tout va bien. Parce que bon, c'est vrai que les jeunes, comme les appelle François, parfois ils sont un peu maladroits dans leur présentation, tout ça, donc il va falloir que je rattrape un petit peu. Donc finalement, je mets en contact l'équipe de Podcast Science, l'équipe de Sciences Ouvertes, et puis voilà. Alors mail d'Alan, un mois à peu près avant l'émission, Alan Goguenard qui dit « Robin, c'est bon l'organisation ?» Mail d'Alan un petit peu plus tard, « Robin, tu es sûr que tu t'en sors pour l'organisation ? On sent un ton un tout petit peu plus inquiet ?» Moi je dis « Ouais, pas de problème, tout va bien. » Au bout d'un moment, il me donne quand même un tout petit indice. « Non, par exemple, ça serait bien qu'on ait un conducteur pour l'émission. » Tu fais quoi? Ah, alors, j'ai fini par comprendre, le conducteur, c'est le document en ligne, le Google Doc, que nous avons pour chaque émission, dans lequel il y a résumé les interventions de chacun. Je fais, ouais, d'accord, il n'y a pas de problème, ça je sais faire, ok, je copie-colle donc le document précédent, j'enlève le texte, je change le numéro, j'ajoute 1, et puis je laisse les symboles kabbalistiques du début, là, les dièses, tweet, machin, tout ça, je comprends rien, je les laisse, comme ça je me dis que c'est là, et puis hop, voilà, c'est fait, mail d'Alan. Et sinon, le conducteur, tu penses le faire quand? Mais je l'ai fait, le conducteur. Rire nerveux d'Alan. On sent qu'il commence à trouver ça un peu moins marrant. Ouais. Faudrait peut-être minuter un peu, savoir ce qu'on fait, dans quel ordre et tout. Bon, bah, c'est pas compliqué. On a une heure d'émission. On sait que les présentations, ça doit durer à peu près 10 minutes. Je divise tout ça. Je laisse un petit peu de temps entre deux groupes. Bon, bah voilà, j'ai dit qu'il y avait 5 groupes. Bah, on met les 5 groupes avec des pots, tout ça. J'ai fait le minutage. Ça dure une heure. Tout va bien. Je passe la suite. Alan était visiblement toujours un petit peu inquiet. Je vois pas pourquoi, parce que ça s'est très bien passé comme ça. Alors évidemment, les sujets, c'était un peu compliqué. Je sais pas ce que ça a donné pour les auditeurs. On n'a pas eu énormément de retours sur cette émission. Il reste que, pour moi, c'est quelque chose de très important d'avoir fait ça. Et je pense que pour tous les gens qui étaient sur place, c'était un vrai bon moment de voir des jeunes de toutes les couleurs, de tout style, pas spécialement sur deux, présenter des sujets de mathématiques avec enthousiasme et essayer de nous expliquer des trucs en étant un peu désespéré parce qu'on avait du mal à comprendre et que bah, dans les temps qui courent où on dit que dans les banlieues ça va mal et qu'on fabrique des terroristes, c'est bien aussi de voir qu'on peut fabriquer autre chose que des terroristes. Totalement, moi je suis toujours ému juste en repensant à la lumière qu'ils avaient dans les yeux, enfin vraiment ça scintillait, ça pétillait, ils étaient heureux de pouvoir partager ce qu'ils avaient appris pendant cette... C'était quoi, 15 jours de stage? Ouais. Ouais, enfin, le 93, ça me fait pas peur. C'était vraiment cool. On reprend le fil des épisodes, donc on en est au 181. David nous présente son dernier dossier en tant que membre. Sur l'auto-organisation du langage. Et nous avons ensuite reçu Guillaume et Annabelle de l'ANDRA qui nous ont parlé du projet CIGEO et qui travaillent sur le stockage des déchets nucléaires. Alors c'était le dernier épisode avant la pause estivale de 2014. Rentrée en fanfare pour une journée visite suivie d'une soirée radio-dessinée en direct du CERN. Notre ami Xavier a préparé un petit retour sur le sujet. Et pour la rentrée, épisode 185, Irène nous avait concocter un dossier en deux volets sur les hormones. Première partie, la pilule. Seconde partie, l'orientation sexuelle. Du coup, on écoute Xavier. Bonjour tout le monde. J'espère que vous passez une excellente 200e. Je regrette de pouvoir être parmi vous qu'à travers cet enregistrement. Alan m'a demandé de me faire un petit retour sur le CERN en moins de 2 minutes. Alors comme j'avais pas tellement le temps de faire court, j'ai fait long. C'est quand même assez cruel de demander un résumé de plus de 6 mois. Je ne me souviens même plus exactement quand est-ce qu'on a commencé. Donc 6 mois d'organisation en moins de 2 minutes. C'est un truc bien à Alan, ça. Bien sûr, c'est à rendre pour demain 16h. Notez bien que pour le CERN, c'est plutôt moi qui ai insisté pour qu'on tienne le timing. J'ai été intraitable. Nico a même dit que j'étais un extrémiste. Puisqu'on parle de lui, je tiens tout de même à dire que c'est un dictateur de paille. C'est un peu l'homme de main d'Alan et de Julie. D'ailleurs, puisqu'on en parle, heureusement qu'il y a Julie, avec sa grande maîtrise de l'organisation dans l'ombre. C'est elle qui a géré quasiment toute la logistique pour la sortie du CERN. Ça a l'air de rien comme ça, une petite poignée de personnes. Bon, ok, 50. Mais il faut les amener, les nourrir, les loger, mettre les gens en relation. Bref, rien de trivial sur tout ça. Surtout avec Nico qui est pas capable de répondre à une question quand on la lui pose, ou Robin qui... Bon, de toute façon, Robin n'aime pas le CERN. Il n'aime pas Internet non plus, d'ailleurs. Julie, comment ça s'est passé pour l'organisation de cette 200e, au juste? Laisse-moi deviner. Les dossiers, les présentations sont arrivés à la dernière minute, et Alan les a corrigés, montés, assemblés, édités, etc., jusqu'à tard hier soir. Non. Faut pas oublier que, sans Alan, ce genre d'événement aurait une toute autre allure. Je nie pas qu'il ne se ferait pas. Nicolas débrouille et Robin j'improvise s'en sortent toujours. Mais la grande qualité des interventions, on les lui doit. Ça ne se voit pas. C'est pour ça que je le dis. Alan dispose de cette capacité rare de retirer l'essentiel et de le transmettre, de faire des liens entre les concepts et avec la réalité aussi. Et de faire tout ça avec une grande humilité. Bien sûr, pour le CERN, il y a eu aussi le travail de Pouillot pour l'illustration. Bonjour Pouillot. Aurélien, l'homme de l'intérieur du CERN. Bisous si tu nous écoutes. Pascal, qui tient la chatroom. C'est plus tranquille aujourd'hui, hein, Pascal. Sans live, ça va mieux. David, qui a fait la promotion sur les réseaux sociaux. Salut aussi. Et les dessinateurs de Strip Science et toutes les autres personnes que j'oublie certainement. Veuillez m'excuser. Alan, tu corriges si jamais, hein, comme d'habitude. Merci. Bon, sinon moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait que distribuer des tâches. Vraiment, j'ai pas fait grand-chose. Je fais en sorte que les autres bossent. Royal. Et ce qui est vraiment, vraiment génial avec une équipe comme celle de Podcast Science, c'est qu'ils le font. Il ne s'agit pas de minimiser mon travail, ou le travail de personne d'ailleurs. C'était une très belle aventure où chacun a trouvé sa place et a fait le travail qu'il voulait et qu'il pouvait faire. Bon, quelques petits chiffres, ça vous intéresse ? On n'a pas fait de décompte d'heures, heureusement. On a eu 50 participants, à peu près 70 documents dans le Google Drive, 3 ou 4 versions de la fiche. Désolé Pouillot. J'ai 1071 courriels qui ont été tagués PSA de CERN. Tiens, d'ailleurs, je vois que les premiers contacts datent de septembre 2013, c'est dire. Le conducteur faisait 7 pages, on a eu 8 dossiers, 58 dessins, faits directement pendant le live, et pour un total de 2 heures d'émission. Vraiment, vraiment, j'ai eu un immense plaisir à participer à cette aventure. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que j'attends une décision pour la date pour la suivante. Alors, on y va ? Allez, salutations à tous et bonne 200e. Ciao, ciao. Xavier m'a demandé d'ajouter un petit truc à son intervention pour faire un bisou à Irène aussi. Voilà. Et puis pour la date, bah tiens, scoop, puisqu'on y est, la date du prochain gros event du genre qu'on va faire, ce sera le 27 juin à Paris. Notez. On vous en dira plus bientôt. On passe aux épisodes 186 à 190 et on reçoit le premier invité de la saison 5, Thierry Le Riche. Alors, je croyais... Ouais, qui était là, je crois qu'il a dû... Ah non, il est là, excuse-moi, t'es devant. Qui nous a présenté un dossier sur les tris. Pour l'épisode 186, Nico nous a préparé un excellent dossier sur les bitcoins. Ça doit être l'épisode 187, excusez-moi. Pour continuer, nouvel épisode freestyle, avec cette fois Sébastien Carassou du collectif Conscience comme invité, une contribution spéciale de Léo de Dirty Biology pour répondre à la question d'un auditeur et un retour sur les conférences du CERN auxquelles Alan a assisté. Épisode 189, on retrouve Johan pour son premier dossier en tant que membre sur Voyager. Et enfin, l'épisode 190 avec Robin qui nous parle de cristallographie. Tu vas nous dire un petit mot d'Inti ? Exactement. Ouais. Donc, Inti nous a contacté le 8 juillet 2014 et pour nous dire « Bonjour, je vous écoute depuis un petit temps, mais c'est ma pote Mel qui a dessiné pendant l'épisode dans le 9-3 et qui, je crois, a participé à toutes les soirées radio dessinées. » Bah, toutes sauf celle-ci. Sauf celle-ci, ouais. Voilà. Ouais. Qui m'a encouragé à vous contacter. Je ne suis pas sur Strip Science et je n'ai pas de blog, mais étant passionné par les sujets scientifiques, en particulier l'astrophysique et la lutte contre les pseudosciences, ça me botterait bien de prêter mon stylet à Podcast Science. Vous pouvez voir un peu de mon boulot ici, donc il nous avait donné le lien pour son site. Il dessinait aussi pour France Inter. J'espère à bientôt, Inti. Alors, Mel peut pas être avec nous aujourd'hui, mais je pense que vous vous souvenez tous d'elle. Et suite à ce message, on a retrouvé Inti dans la chatroom pour quelques épisodes et il nous propose toujours des illustrations magnifiques. Vous avez pu en voir défiler un certain nombre sur l'écran derrière nous. On espère le revoir souvent entre la 200e et la 300e. Ouais, Inti, si vous n'avez pas vu ces illustrations, à aller voir parce que ce n'est pas des blagues illustrées, c'est souvent juste des illustrations, des belles images en fait. Entre autres pour le CERN, il avait fait des trucs... Enfin, c'est toujours amusant, on se sent voyager avec ces images, c'est assez poétique, ouais. Pour CIGEO aussi, il avait fait des très jolies images. Ouais. J'ai oublié de remercier. J'ai droit. Oui, il y a Robin qui veut ajouter un petit truc. Attends, je te tends un micro. Robin qui a préparé son intervention il y a 5 minutes. J'ai préparé mon intervention pendant vos interventions. Du coup, comme je vous écoutais, c'était compliqué parce que je ne sais pas faire du multitâche. Mais juste, du coup, pour le, faut quand même dire les gens qui étaient là... À Science Ouverte en Seine-Saint-Denis, parce que c'est vraiment important, c'est les gens qui sont déplacés. Alors il y avait Mel qui a traversé l'île de France, et pour ceux qui ne sont pas franciliens, ça paraît peut-être rien, mais quand on sait ce que c'est, elle est en bas, tout en bas, et elle est venue jusqu'à Bobigny. Il y avait Fip qui est venu de Lyon, il y a Nico qui est venu de chez lui en bagnole, donc il n'a aucun mérite. Ouais, t'étais en béquille, donc je suis venu te chercher en bagnole chez toi. Il y a Alan, évidemment, qui est venu de Suisse. Et vraiment, j'ai oublié tout à l'heure, mais évidemment, un grand, grand merci d'avoir fait cet effort-là. Alors, on va terminer, je vais faire la dernière ligne droite, 191 à 200. Ça commence par un nouveau dossier d'Irène sur un sujet un peu moins bio cette fois. Elle nous parle de météo. On enchaîne ensuite avec le 9e freestyle de Podcast Science, un programme bien rempli. Donc, on avait reçu Damien Jougnot, l'animateur infatigable de notre communauté Podcast Science sur Google+, qu'on remercie toujours. Merci Damien. Alan a interviewé Nicolas Grandjean sur le prix Nobel de physique, parce que rappelez-vous, c'était sur les LED, et on a déjà écouté Nicolas. Un blog audio sur un excellent article de Topo, une rubrique fail de Robin récompensée au Podcast Science Award 2014 pour le meilleur support de dossier. On enchaîne ensuite avec une interview passionnante, comme on les aime. Donc, grâce à Pierre, on a l'occasion de recevoir le professeur Marc-André Sellos, qui vient répondre à la question de Maëlle sur les transferts horizontaux. Donc, rappelez-vous, c'était une histoire de limaces. Pour l'épisode 194, dossier d'un membre de l'équipe, Billy nous parle du vieillissement et de la mort. Et enfin, un épisode mené de main de maître par Nico Tube sur la science d'Interstellar. Bon, je vais terminer avec les épisodes 196 à 200. dernière ligne droite. On est allé freestyle numéro 10 avec Marie, qui est présente avec nous cet après-midi. Elle nous parle de son blog, le Globe Server, lauréat des Golden Blog Awards. On reçoit également une carte postale audio d'Alan et d'Adam Rix. Vous vous souvenez d'Adam, on l'avait reçu au cours du premier freestyle. Après des histoires terrifiantes de Drop Bears, Nima revient pour l'épisode 197 nous parler d'un nouveau sujet polémique, les médecines alternatives. Et enfin, on y arrive, l'épisode 199, pas vraiment un freestyle à proprement parler, mais émission spéciale Podcast Science Awards, où, comme dit Nico, les PSA, MEF, CPGS, CDA. Je l'avais pas bien préparé, désolé. Pour fêter dignement les vacances, la fin de l'année, etc. Alors, vous l'aurez sûrement remarqué, depuis les Podcast Science Awards, on a fait d'autres émissions. Donc, un petit mot rapide, c'était le 199. Depuis, on a eu la 201. Nico nous a parlé des noms complexes. Clara Moreau des maladies mentales. Et mardi dernier, nous avons reçu Alicia pour un freestyle où elle nous a parlé d'arrêt de science. L'épisode n'est pas encore en ligne, je vous laisse la surprise. Et puis, on a terminé. Magnifique. Mais on va pas terminer comme ça. On va dire un petit mot des anciens de Podcast Science, ceux que vous n'avez plus la chance d'entendre à l'antenne. On les a tous invités à participer à la 200e. Enfin, quand je dis nous, je veux dire Nico a eu l'idée et Julie s'est chargée d'envoyer les invitations à tout le monde. Alors Mathieu, tout d'abord. Mathieu, pour les personnes qui nous auraient rejoints en cours de route, Mathieu, c'est mon vieux comparse des débuts. S'il n'avait pas accepté de démarrer le projet avec moi, Podcast Science n'existerait tout simplement pas. Et c'est encore grâce à lui que le site est hébergé, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Ouais. Depuis que ça marche bien, en fait, c'est voilà, c'est parce que Mathieu a repris l'hébergement du site. Au début, on faisait des dossiers beaucoup plus courts et beaucoup plus fréquents. D'ailleurs, Mathieu totalise à lui tout seul plus de dossiers que tous nos matheux réunis, encore aujourd'hui. On a malheureusement plus de ses nouvelles depuis un moment, mais la dernière fois qu'on s'était parlé, il était toujours à Barcelone, toujours adepte de la capoeira, toujours bien occupé entre le boulot et la famille. Mathieu, si tu nous écoutes, ça nous ferait hyper plaisir de t'entendre nous parler d'un sujet impossible, genre le mur de Planck ou de la cosmologie Branner. Challenge accepted. Et puis, oui, j'allais dire un gros merci à Mathieu donc pour l'hébergement. C'est quand même cool que ça marche. On avait pas mal de soucis avec le site web jusqu'à ce qu'il se charge de ça. Antoine, vous êtes nombreux à avoir demandé de ses nouvelles. En voici enfin. Il nous envoie un petit message. C'était avant-hier. On l'écoute. Bonjour tout le monde. C'est Antoine. Ça faisait un bail, hein ? Eh oui, mais je profite de cette 200e de Podcast Science pour sortir un peu de mon silence podcastique. Et je vous envoie cette petite carte postale sonore en direct d'un pays très très loin de la France, qui est le Vietnam. Oui. Vous avez bien entendu, le Vietnam, c'est le pays dans lequel je vis maintenant depuis 8 mois. Tout se passe absolument très bien, et voilà. Ça ne m'empêche pas, en tout cas, de continuer à écouter Podcast Science religieusement chaque semaine, bien sûr en différé puisque avec le décalage horaire, je ne peux pas faire autrement. Voilà. 200 épisodes, ça en fait un paquet. Ça fait surtout un paquet depuis que je suis parti du podcast. Et je dois avouer que la nouvelle équipe de Choc s'en sort absolument à merveille. Et j'ai toujours autant de plaisir à vous écouter, à parfois commenter, juste à Alan, souvent. Désolé, c'est un petit scooter qui vient de passer. Voilà. Et j'espère que vous allez tous bien. Et n'oubliez pas, restez curieux. Il faut savoir que Antoine n'est plus au Vietnam pour très longtemps. Il bosse dans l'informatique. Maintenant, il va partir en mission à Buenos Aires pour 2 ans en Argentine. Avec un peu de chance, on arrivera à le choper au vol quand il sera de passage dans notre fuseau horaire. Marco aussi nous envoie une petite capsule sonore. On l'écoute. Bonjour auditeurs de Podcast Science. Vous ne me connaissez peut-être pas, surtout si vous avez connu le podcast au cours de ces 2 dernières années. Je suis Marco. Je suis intervenu à quelques reprises pour parler d'évolution, qui est un de mes centres d'intérêt. Car dans la vie, je ne suis pas biologiste, j'évolue plutôt dans le domaine des réseaux de télécommunications mobiles. Et ma vie professionnelle, cumulée à l'arrivée d'une jolie petite princesse, m'ont contraint à m'éloigner de la bande. J'ai même fini par m'éloigner complètement du monde numérique, par manque de temps, peut-être aussi par manque d'envie. Alors aujourd'hui, il m'arrive parfois de faire pointer mon nez sur les réseaux sociaux pour venir débattre de la théorie de l'évolution, de la science de la vie, ce qui est souvent inefficace, mais l'avantage des opposants de l'évolution est quand même qui nous font tout le travail de recherche contradictoire. Donc dans une optique de considération critique, ça reste non négligeable. Alors pour cette 200e, c'est l'occasion pour moi d'adresser un énorme bravo à toute la bande de Podcast Science qui a mené le podcast jusqu'à ce chiffre qui me paraît presque incroyable pour un podcast amateur aussi dense. Un énorme coup de chapeau à Alan, qui est là depuis le début. Franchement, l'ami chapeau, c'est une démonstration de volonté, de motivation et d'engagement. Merci beaucoup aussi de m'avoir permis de connaître cette expérience de podcasteur. Alors même si c'était pour moi l'angoisse avant chaque passage, ça reste quand même une expérience vraiment que j'oublierai pas. Enfin, je voudrais transmettre tous mes encouragements à l'équipe de Podcast Science actuelle, qui réalise toutes les semaines un énorme travail pour le bien-être de nos petits cerveaux d'Homo sapiens numericus. Je suis vraiment, vraiment très impressionné par la maturité atteinte par le podcast. Commençant à sortir de ma période de sevrage numérique, j'ai commencé à réécouter les épisodes et j'ai été vraiment sublimé par la qualité. Donc vraiment un très grand bravo à tous et à toutes. Et quant à moi, je vais continuer ma cure de réintoxication et peut-être qu'un jour je trouverai la motivation pour venir vous parler d'évolution ou pourquoi pas des réseaux de télécommunication. Mais ne prenez pas ça comme une promesse. Bonne continuation à tous, à très bientôt. Gloire à Darwin, gloire à Podcast Science. Marco, il nous manquait. Marco, s'il te plaît, reviens, présente-nous un truc. Un gros bisou à toi et aux femmes de ta vie. Franck aurait souhaité être des nôtres aujourd'hui. Malheureusement, ce n'était pas possible pour lui. Voici sa réponse à l'invitation de Julie. Il nous a dit bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Hélas, je suis justement de garde au CHU de Tours ce week-end-là. Pour les nouvelles, je suis donc interne au CHU de Tours. Donc, je ne pourrai pas être là. Je ne suis pas trop les nouvelles de Podcast Science, même si j'ai relu avec beaucoup d'intérêt quelques dossiers sortis depuis. J'ai maintenant une vraie connect stable. Donc, si vous êtes toujours d'accord, je vous proposerai peut-être un dossier un de ces jours, mais cette fois, je le préparerai avant et je vous en parlerai ensuite. Bonne continuation et mes meilleurs vœux pour 2015. Parce qu'on rappelle peut-être que le summum de l'époque Franck, c'était... tu t'allais le dire peut-être ? Ouais, bien sûr. Ouais. Mais vas-y, vas-y. C'était le podcast depuis une voiture à côté d'un Wi-Fi de son voisin ou quelque chose comme exactement, ça. Exactement. Ouais. Il n'arrivait plus à hacker la borne free de son voisin depuis chez lui. Du coup, il a fait l'interview depuis sa voiture dans la rue. Voilà, bah Franck, nos meilleurs vœux à toi aussi. On a bien hâte de voir quel dossier tu vas nous proposer. Hélène va bien. Elle a elle aussi pris le temps de nous répondre pour nous dire ce qu'elle devient. On l'écoute. Coucou, c'est Hélène Arnal. Ça fait un bail que je ne suis pas passée dans Podcast Science, même si je suis toujours de loin. Personnellement, je continue mon blog Science au cinéma, qui parle de science à partir des films et des séries. Depuis un an, j'écris également des articles de blog pour l'agence Science Presse sur la vision des sciences au sein des films et des séries. Je garde de très bons souvenirs de Podcast Science et je reviendrai peut-être faire un dossier quand j'aurai le temps. Lucille, notre illustratrice de la première heure qui avait fait nos premiers avatars et qu'on a pu revoir à l'occasion de quelques soirées radio dessinées, elle vit toujours à Gênes, en Italie, et c'est le stress en ce moment, elle est totalement débordée. Elle pense bien à nous aujourd'hui, on pense souvent à elle. Lucille, on t'embrasse aussi, on espère te revoir bientôt. Vous revoir, toi et tes dessins. Jeanne nous avait présenté un dossier, celui sur la fibromyalgie, mais c'est surtout en tant que comédienne qu'on l'a beaucoup entendue à une époque sur le podcast. Elle s'occupait des blogs de science en audio. Jeanne aussi nous a laissé une petite capsule audio, on l'écoute. Hello ! Alors c'est Jeanne. Il paraît qu'on doit parler de ce qu'on devient. Alors, qu'est-ce que je deviens ? Côté travail, je suis infirmière en psychiatrie et je me promène avec mon petit vélo pour faire des soins à domicile chez les gens. Côté théâtre, on a un projet sur le feu pour... on sait pas trop quand, mais on se réjouit que vous nous invitiez chez vous. Côté enregistrement, j'essaye en tout cas d'enregistrer des livres pour la bibliothèque sonore romande. Alors j'y vais à mon rythme, ça avance pas très vite, mais c'est intéressant en tout cas, et comme ça je garde un pied dans l'audio. Et côté famille, on assiste au premier pas de notre petit bout. Voilà, à bientôt j'espère, et tout bon aux écouteurs de podcast science. Jeanne, un immense bisou à toi aussi, ainsi qu'à Junior et à Xavier. Je suis un petit peu vexé d'entendre qu'elle enregistre des billets pour la bibliothèque sonore romande. Enfin, c'est bien, il faut bien que quelqu'un le fasse, mais j'aimerais bien l'entendre de nouveau dans les blogs audio de podcast science. Voilà, alors étonnamment, il nous reste quelques minutes, ce qui est juste... inouï. Je vais bientôt repasser le micro à Pierre, tu peux te préparer pour qu'il nous raconte les derniers dessins, mais pas tout de suite, attends. Parce que je voudrais profiter d'avoir des auditeurs sous la main, c'est pas souvent qu'on vous a sous la main. Il y a une question qu'on se pose régulièrement au sein de l'équipe de Podcast Science, c'est que fabriquent nos auditeurs pendant qu'ils nous écoutent? Et on a eu parfois des réponses, c'est souvent super intéressant, c'est très surprenant, mais là je vais me permettre de faire un truc qui va beaucoup vous embêter, mais ça fait rien. Je vous tends un micro. Alors Marc, d'abord, si vous pouvez juste vous présenter en un mot, dire votre pseudo ou votre prénom, et puis nous dire simplement comment vous écoutez le podcast, et passer le micro à la personne d'à côté, et puis quand ça tombe sur une personne membre du podcast, on zappe, on passe au suivant. Alors moi je m'appelle Marc, on a peut-être pu me voir une fois, je pense, dans la chatroom sous le pseudo de Slash. J'ai eu beaucoup de mal à essayer d'assister aux épisodes en live. Du coup, j'écoute quasiment que en différé, soit dans la voiture, en toute sécurité bien sûr, soit quand je cours un petit peu pour essayer de ne pas penser à la fatigue, à l'effort, etc. Toujours vachement intéressant et j'adore. Moi, je suis un grand fan depuis plus, un ou deux ans. Et merci. Juste avant que tu passes le micro, c'est le même Slash qu'on a entendu dans un billet tout pourquoi je kiffe la science. Voilà, c'est ça. Pourquoi je kiffe la science, j'en avais fait un. J'avais parlé entre autres de Feynman. Mm-hmm. Feynman qui était une de mes grandes inspirations. Moi, je suis ingénieur dans la vraie vie. Et pour faire ça, donc il y a des études en prépa et autres. Et j'ai beaucoup été aidé par les cours de Feynman, qui sont publiés extrêmement mal en français, mais ça vaut quand même le coup de se pencher dessus tellement c'est bien fait. Zéro équation, que des histoires, c'est magnifique. Johan va bientôt nous faire un dossier là-dessus. Merci Slash. Alors moi c'est Bernard, je viens de Belgique. J'écoute les podcasts à la différence du prédécesseur uniquement en courant. Donc j'écoute aussi les podcasts quand je suis en voiture. Mais podcast science, ça demande une vraie concentration et dans la voiture, j'ai pas la capacité de me concentrer suffisamment. Donc c'est uniquement en courant, je cours beaucoup, 7, 8, 10 heures par semaine. Et donc le podcast, c'est vraiment, podcast science, c'est vraiment un moment privilégié quand je cours. Je suis aussi de formation très scientifique, donc je suis aussi un ingénieur. Et l'intérêt, c'est vraiment, vraiment la capacité de descendre assez profond dans un certain nombre de matières, mais un faisceau très large, quoi. Donc ça part pas seulement dans le scientifique, on a les matheux. J'apprécie les matheux. On les adore, les matheux. J'apprécie aussi les remarques sur les matheux et tout. Mais alors l'ouverture vers les autres sciences ou les autres compétences, c'est très intéressant. Donc un vrai fan depuis, je dois l'avouer, depuis la première heure. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Gabriel. Je suis un peu comme mon prédécesseur, un podcasteur nomade. Je suis jamais sur la chatroom parce que je suis jamais chez moi à cette heure-là. Par contre, je vous écoute depuis quelques mois seulement. J'ai énormément de retard, donc je connais pas toutes les interventions des récents. Je les ai plutôt pris depuis le numéro 1 et puis je remonte la file du temps au fur et à mesure. Voilà, je trouve ça génial. Je suis aussi ingénieur, mais je suis très loin des équations aujourd'hui. Donc, ça me permet vraiment d'élargir mes horizons et je trouve que vous faites un boulot vraiment, vraiment remarquable de vulgarisation et je trouve ça vraiment génial et je vous remercie encore. Merci beaucoup. Donc moi c'est Kevin, un peu comme mon prédécesseur, j'ai connu le podcast et j'ai décidé de remonter depuis l'épisode 1 jusqu'à tout au bout. Seulement j'ai fait ça il y a 3 ans, j'avais moins de boulot à l'époque. Ah ouais. Et j'ai écouté ça dans la voiture, dans mes trajets Lille-Bruxelles à l'époque et maintenant je continue à écouter plutôt dans les trajets Bruxelles-Liège tous les jours. Je trouve ça toujours aussi génial, je suis un curieux de nature. Et je découvre toujours des trucs géniaux auxquels j'aurais même pas pensé à m'intéresser s'il n'y avait pas eu podcast science à la base. Et donc c'est le Kevin qui nous avait, on en a parlé cette semaine ou la semaine dernière, au dernier freestyle, donc c'est pas encore publié, mais qui nous a envoyé un message en brainfuck. décoder un langage de programmation ésotérique. Ouais. Décoder super rapidement quand même, je crois que tu l'avais pâté pour le coup. On a fait 10 minutes je crois, mais c'était collectif. Hein. Ouais, c'était collectif, ouais. Ok, je demanderais peut-être au suivant d'être un poil plus rapide, sinon on va quand même réussir à être en retard. Bon bah plus rapide, moi c'est Thierry, et je vous écoute exclusivement dans les transports, donc soit en voiture, soit en RER. Et c'est quasiment une voix qu'on début. Connaît, c'est un Thierry qu'on a déjà entendu. Donc oui, j'ai eu l'opportunité de passer sur Podcast Science en septembre dernier pour un dossier sur les tris. Et d'ailleurs, c'était vraiment une super expérience pour moi. Et j'espère que ça l'était aussi pour ceux qui ont écouté. Mais vraiment, je conseille à d'autres de tenter l'aventure. Ouais, totalement. On vous le recommande aussi si vous avez envie de présenter un dossier. C'est un peu hard. Hein. On reprend votre dossier, on enlève tous les gros mots, on vous demande de le revoir, de le retravailler, etc. Il y a quelques allers-retours. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment une expérience assez géniale. Et puis, ouais, c'est ces dossiers de contributeurs, de gens passionnés qui ont vraiment une histoire à raconter. Moi, je trouve souvent que c'est les meilleurs. Oui, je précise que j'ai pas été lâché dans la nature pour ce dossier. C'est vraiment l'accompagnement a été réel, quoi. Ouais, par Nicotube en plus. C'est ça. Merci beaucoup. Salut à tous, moi c'est Nico, le copain de Julie, et je suis une victime plus qu'un auditeur de Podcast Science. Puisqu'on, pas la seule, hein. Je pourrais l'écouter en live, mais on me chasse de l'appartement tous les mardis soirs. Donc j'écoute de temps en temps l'émission de la semaine dernière en courant. Voilà. Voilà. Okay. Et c'est toi qui lui as autorisé à passer 5 minutes par semaine sur le podcast, c'est ça ? 5 minutes, c'est ça, ouais, pas c'est plus. Trop bon. Mais c'est vrai qu'on en profite pour une petite pensée émue pour toutes les conjointes et conjoints des podcasteurs. Bisous, Laure. Alors, George, moi j'écoute Podcast Science pour m'endormir. Ça marche très mal et depuis je suis insomniaque, ça fait 5 ans, quelque chose comme ça. Bonjour, donc moi c'est Milou, j'ai la particularité en fait d'avoir écouté 30 podcasts science, dont 28 fois le même. C'est ce que je disais tout à l'heure à Pierre, puisque son podcast sur la classification du vivant m'a beaucoup aidé pour mon travail de recherche sur mon mémoire. Donc encore merci à lui, merci à l'équipe et voilà, bonne continuation à vous. Merci à toi. Donc moi c'est LJJ, donc je passe tous mes mardis soirs sur la chatroom à essayer de faire des blagues et à essayer d'être lu à l'antenne. Et maintenant à nous donner les propriétés du numéro de l'épisode aussi. Voilà, et donc je passe aussi tout le temps, la grande majorité de l'épisode, à ne pas vraiment écouter puisque je cherche des propriétés sur les nombres. LJJ, je pense qu'il a pratiquement le même statut que Billy, c'est un membre du podcast qui n'est pas encore tout à fait au courant qu'il est membre. Il faut qu'il nous fasse quelques autres dossiers quand même. Ouais, c'est vrai, tu reviens quand tu veux. Quelques applaudissements pour la vie et l'œuvre d'LJJ. David Loureiro, beaucoup en voiture, j'ai fait pas mal de trajets, donc je me suis tapé tous les épisodes, notamment ceux de Nico et de Robin, plusieurs dizaines de fois, je pense, chacun. Notamment sur les nombres premiers, celui-là, je pense que j'ai dû l'écouter plus d'une dizaine de fois. Ouais. Vas-y, fais ta minute promo. Ok, donc pour ceux qui n'avaient pas déjà entendu sur le podcast, à cause de Nico, pour le dénoncer, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Lisez la science, où je prends le temps de raconter ce que j'ai vu dans les livres que j'ai pu lire, notamment essentiellement des livres de science. Merci beaucoup. Et puis pour les suivants, je vais vous demander d'être encore un peu plus rapide, je suis désolé, on va faire très vite. Marie, oui, donc du Globe Server. En fait, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas écouté tous les podcasts science, désolé. Oui, j'ai beaucoup de retard à rattraper. En fait, j'écoute ceux qui, sont en rapport avec les recherches que je fais pour mon blog. Et généralement, donc j'espère que mes boss n'écoutent pas, mais je les écoute au bureau. Voilà. Merci, minute promo pour Globe Server, on te trouve où ? On me trouve sur theglobeserver.com, sur Facebook, The Globe Server, et sur Twitter, c'est encore très épisodique. Pardon. Ok, merci beaucoup Marie. Bonjour, donc Guillaume ou GP dans la chatroom. Et puis, juste pour dire, quand je suis en live, je suis trop occupé à raconter des conneries dans la chatroom pour faire autre chose. Et sinon, j'écoute aussi ça au boulot, et il ne faut pas dire mon employeur. Et sinon, j'en profite juste pour dire merci. Merci. Moi non plus, j'ai pas écouté tous les épisodes. Toi, tu te tais, tu passes le micro. Moi, j'aime bien Podcast Science, c'est le seul endroit où on me laisse dire des bêtises et des gros mots tranquillement, voilà. Mais je ne fais pas encore partie. Non, si je fais partie de Podcast Science, je crois qu'il va falloir que je l'admette un jour ou l'autre. À ce titre, du coup. Tu dois te taire et passer le micro plus loin. Merci Billy. Oui, alors moi c'est Anne, je suis la compagne de Robin et la maman de Boson, hein, puisque tout le monde la connaît maintenant. Puisqu'elle est officiellement rebaptisée, voilà, la plus jeune auditrice de Podcast Science. Moi je suis pas là, contributrice sonore. Maintenant on l'entend chaque semaine. Bah oui, parce que moi le mardi soir je fais autre chose, voilà, je répète, alors j'abandonne l'enfant avec son père. Et donc, voilà, il gère la petite en même temps qu'il fait l'émission. Donc, des fois, c'est... Voilà, donc j'avoue que moi, j'ai pas beaucoup écouté d'épisodes. Mais comme j'ai dit que j'allais contribuer à la réécriture, ou à la retranscription, voilà. Donc, voilà, je vais essayer d'apporter ma... Oui, mais bon, j'avoue que j'ai pas écouté énormément d'épisodes. Voilà. Mais je soutiens la cause et je soutiens mon compagnon dans cet effort hebdomadaire. Merci beaucoup, Anne. Et merci à chacun d'entre vous. C'était formidable de vous entendre. Et on va passer le micro maintenant à Pierre pour entendre une dernière fois la vie la promotion de nos dessinateurs. Je crois que ceux d'avant non plus, je les ai pas vus. Alors, un temps, il y en avait peut-être un avant. Oui, ah bah c'était un dessin de Pouillot qui est, lui aussi est super ému, hein, bien sûr. Ensuite, nous avons un... Ouh là, pardon, excuse-moi. T-shirt de I Love Podcast Science, outil spécial recrutement à Podcast Science. C'est vrai qu'ils sont merveilleux. Moi, j'ai l'ancienne version, mais bon, personne ne peut le voir à l'audio, donc je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ensuite, un commentaire sur Science Ouverte, où on voit quelqu'un, un chercheur, j'imagine, qui pipette... une solution de Podcast Science dans une autre solution de Science Ouverte, et ça fait boum, résultat explosif. Donc. Ensuite, la 201 vient avant la 200. Dans la 201, on parle des maladies mentales. Que faut-il en conclure ? C'est un complot des psys, bien sûr. Et enfin, donc une anecdote, j'écoute Podcast Science sous la douche, mais du coup, quand j'ai du shampoing dans les oreilles, je loupe des trucs. Ben voilà, c'est ça les inconvénients. Et du côté de Pouillot, Podcast Science numéro 200, un épisode très suisse. J'ai apporté des chocolats suisses et nous sommes dans les temps. Je ne sais pas encore. Et il ne manque que la banque et tout est bon. Podcast Science au dernier bar avant la fin du monde. Lieu geek, donc. Oui, les sabres laser, c'est bien. Mais ça marche comment, scientifiquement parlant ? C'est vrai que ça pose problème. Auditeur, que faites-vous pendant les épisodes de Podcast Science ? Oh, du ménage, tout simplement. Nettoyer une centrale nucléaire me laisse plein de temps pour écouter. Je n'ai pas encore terminé, là. Voilà. Et pour ma personne, parce que j'ai envie aussi de faire un petit feedback, sur où j'écoute Podcast Science, j'écoute partout. Et le meilleur moment et le meilleur endroit, c'est quand même le ménage. Parce que justement, ça divertit d'une tâche qui est tellement chiante. c'est vraiment le meilleur moment pour entendre et pour écouter des épisodes de Podcast Science. On peut même réécouter des épisodes de Podcast Science, ça marche très bien. Voilà. Okay. Podcast Science pour avoir une maison propre. Merveilleux. Bon, on va conclure pratiquement dans les temps. Après le récent passage de Clara qui nous parlait entre autres de phobies et d'addictions diverses, un auditeur nous demandait sur Twitter dans quelle catégorie classer l'addiction au podcast. Enfin, s'il trouve la réponse qu'il ne me la donne surtout pas, j'ai pas envie de me faire soigner, car oui, je pense être moi aussi victime d'une addiction. Ça fait bientôt 50 épisodes que j'essaye de faire mes adieux. Et comme vous avez pu le constater, j'ai beaucoup de peine à lâcher le bébé. Au début, ce n'était pas exactement volontaire. En fait, la relève n'était pas 100% au point. Mais maintenant, j'ai même plus cette excuse. Le podcast roule tout seul. Je suis émerveillé chaque semaine quand je vois tomber le nouvel épisode dans mon agrégateur de podcast. Merci encore à toute l'équipe du formidable boulot accompli chaque semaine. Mention spéciale à Nico, que le rôle de dictateur bienveillant s'y est comme un gant et qui se tape le montage chaque week-end, par tous les temps, en toutes circonstances. Et à Julie, bien sûr, chef d'orchestre des coulisses, qui assomme des montagnes d'obstacles chaque semaine pour rendre tout cela possible. Aujourd'hui, donc, je ne suis plus indispensable, mais j'ai quand même du mal à lâcher le bébé. Bah, c'est juste qu'un bébé comme celui-là, on s'y attache, on en est fier, on l'aime. À certains égards, je l'aime d'autant plus qu'il ne me bouffe plus tout mon temps. Les journées sont toujours courtes, mais j'arrive enfin à dégager du temps pour un minimum de vie sociale, pour vivre pleinement une histoire d'amour qui débute, pour passer du temps avec mes enfants, pour démarrer un nouveau projet professionnel. C'est franchement assez merveilleux. Podcast Science, c'est un projet sacrément improbable quand on y pense. Je n'aurais jamais imaginé une telle ampleur. Un succès pareil, une équipe aussi géniale, une communauté aussi vibrante, amicale, créative, fidèle, des invités aussi épatants, une telle énergie pour servir la science dans la joie et en parler avec rigueur dans la bonne humeur. Il y a de la place dans ce monde pour des projets fous. Podcast Science en est définitivement un. Je lui souhaite encore beaucoup de centaines d'épisodes. Un gros merci à toute l'équipe passée, présente et future, à l'équipe étendue de ce soir. Je pense notamment à Pouillot et Diti qui nous ont fait des illustrations formidables. Et merci aussi à l'équipe du Dernier Bar qui a mis cette salle à notre disposition à titre gracieux. À titre gracieux, en plein centre de Paris. Si, si, c'est possible. Pour les projets fous. Merci bien sûr à Pierre qui a organisé tout ça, qui a pris les contacts avec le bar, et bah, sans qui ça ne se serait pas fait. Et en parlant du bar, donc pour celles et ceux qui nous entendent depuis les quatre coins du globe, si une fois vous avez l'occasion de venir à Paris, ben faites un tour au Dernier Bar avant la fin du monde. Ce lieu est merveilleux. Il y a même un convecteur temporel ou un capaciteur de flux, si vous avez eu la bonne idée de regarder Back to the Future en version originale. Et vous pouvez boire des Gargle Blaster Pan Galactique. Et ouais, on a mangé un 42 pour le petit-déj, c'est pas mal. Merci enfin aux poditeurs présents, aux amis, aux donateurs, aux poditeurs de l'ombre, à ceux qui n'ont pas pu venir, aux aficionados de la chatroom, à tous les amis qui donnent envie de poursuivre l'aventure. Je profite pour rappeler que même si l'équipe est désormais composée de gens qui ont non seulement le bac, mais en général un master ou un doctorat dans leur discipline, l'esprit des débuts souffle encore. Podcast Science, c'est pas de la vulgarisation top-down classique par des experts pour des ploucs. Nous ne surestimons jamais vos connaissances et nous ne sous-estimons jamais votre intelligence. Podcast Science, c'est un partage entre passionnés de science de tous les niveaux. Et vous êtes toutes et tous invités à contribuer si vous en avez envie. Il faut bosser, bien sûr. On sera intraitable quant à la vérification des sources, à leur fiabilité. On ne laissera passer aucun gros mot. C'est l'une des difficultés de la production d'un dossier d'ailleurs. C'est de dire des choses compliquées avec un vocabulaire simple, le vocabulaire d'avant spécialisation. Il faut faire avec le vocabulaire du bac, en gros. Et nous ne sommes pas juste des passionnés, mais des passionnés intègres et rigoureux qui faisons de notre mieux pour partager notre curiosité scientifique en racontant des histoires sans dire trop de bêtises. Vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez bien sûr contribuer autrement qu'en faisant des dossiers. Le temps est la denrée qui nous fait le plus défaut. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à vous manifester. Il y a toujours mille et une choses à faire. Julie pourra vous donner les détails. Et on ne peut pas finir un épisode de Podcast Science sans une petite quote. Alors je vous propose la suivante, à méditer pendant la semaine. Et un petit truc à gagner d'ailleurs, pour qui trouvera d'où elle sort. Il y a deux réponses possibles. La quote est la suivante. Non, non, non, c'est une des réponses impossibles, justement. There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. Bravo. Il y a un cadeau pour Kevin Moulard. Il y a une deuxième source, d'ailleurs, peut-être pour les plus geeks et télévores d'entre vous. Ah oui, pardon. Ouais. Il y a plus de choses sur la Terre, il y a plus de choses dans les cieux et sur la Terre, Horatio, que vous ne pouvez en rêver dans votre philosophie. C'est effectivement Shakespeare, c'est Hamlet. Et puis la deuxième référence possible, c'était Sheldon Cooper dans l'épisode The Gothowitz Deviation. Rendez-vous le mardi 3 février prochain à 20h30 avec Franck Ramu, je crois qu'on le prononce, qui sera interviewé par Johan pour nous parler du sexe du cerveau. Nous verrons s'il existe ou non des différences entre le cerveau des hommes et des femmes et surtout si cela est important ou pas. Et d'ici là, tout le meilleur à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie.